France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Couples unis, couples unis, au pluriel. Au théâtre, cela n'est jamais sûr, et d'un point de vue dramaturgique, cela n'aurait sans doute guère d'intérêt. Le tout, c'est de savoir qui c'est quoi. Si X trompe et ridiculise Y, ou croit ridiculiser Y, ne vaudrait-il pas mieux que Z avertisse Y ? Ce serait assurément une scène dont personne ne tirerait autant de plaisir que la meilleure amie de Y. Les personnages d'humour conjugal, entre autres, une jeune femme décrite ainsi par une autre jeune femme, un petit animal peu estimable, menteuse, sans scrupules, immorale, fabriquée, un petit parasite charmant, de bon caractère et drôle à l'occasion. Voici pour les fleurs. Il faut dire que l'une sait de qui et de quoi elle parle. Mais un gentleman, lui, serait-il aussi sévère? Sans doute. Seul un gentleman peut lancer certaines mufleries. Nous sommes, répétons-le, sur une scène de théâtre, avec un médecin de théâtre, un chirurgien de théâtre, un étui à cigarette oublié sur le lieu d'un adultère de théâtre. Et il y a aussi des oisives qui déjeunent avec un câlin. Et nous sommes chez Somerset Maugham, une pièce de théâtre diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 23 août 1953. Dans quelques instants, vous pourrez entendre « Humour conjugal », comédie en trois actes de Somerset Maugham, dans une version française d'Hélène Frédéric Lara. Somerset Maugham vous présente sa pièce. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de savoir qu'on va vous donner la création à la radiodiffusion française d'une pièce qui m'a toujours donné un certain plaisir. Je l'ai écrite il y a assez longtemps. Et elle a été jouée avec succès un peu partout sauf en France. C'est une comédie, et j'estime que la première chose que le public a le droit de demander à une comédie est qu'elle amuse. J'espère de tout mon cœur qu'elle vous amusera, et si vous ne riez pas, je serai fortement déçu. La pièce se déroule à Londres, dans la maison d'un grand chirurgien et de sa femme. Quoique, naturellement, vous ne puissiez pas voir les acteurs, je suis sûr que leur interprétation sera si vivante que vous aurez vraiment l'impression d'assister comme si vous étiez au théâtre. Je ne voudrais pas gâter votre plaisir en vous racontant l'intrigue. Pour moi, la moralité en est impeccable, mais c'est à vous de juger si ou non j'ai raison. Humour conjugal vous sera donné avec la distribution suivante. Louise Comte, sociétaire de la Comédie Française, dans le rôle de Valérie Ramsay. Et Madeleine Lambert, Mrs. Bennett. Bernadette Lange, Doris Bennett. Madeleine Barbulé, Barbara Simpson. Frédéric Hébrard, Fanny Bird. Avec Jean Martinelli, John Ramsay. Renaud Marie, James Anderson. Louis Arbessier, Walter Bird. Pierre Leproux, Bentley. Réalisation Henri Soubéran. Le salon de Valérie Ramsay. L'après-midi, en été. La pièce est meublée avec un goût rare. Valérie a le sens de la décoration. Son salon est parfait de luxe, de confort et de charme. Mrs. Bentley, sa mère, est assise sur le divan et feuillette des magazines. C'est une dame âgée, charmante et élégante. Bentley, le domestique, entre, suivi de Doris Bennett. Miss Bennett. Mère! Oui, ma chérie? Tu es bien la dernière personne que je pensais trouver ici. Tu ne m'as jamais dit que tu venais voir Valérie? Ça n'était pas dans mes intentions. Jusqu'à ce que je lise Étienne dans tes grands yeux candides. Il m'a paru bon d'être chez Valérie la première. Bentley m'a dit qu'elle était sortie. Tu l'attends? Évidemment. Alors moi aussi. Ça va être adorable. Ravie de te l'entendre dire. Surtout avec tant de naturel. Je ne comprends pas ce que tu veux insinuer. Doris, nous nous connaissons depuis longtemps, non? depuis plus longtemps qu'il est plaisant de préciser. Pas du tout, j'ai 32 ans et je n'en ai pas honte. Valérie en a 36. Oui, et pourtant nous ne dédaignons pas de tricher un peu l'une avec l'autre. La dissimulation est un plaisir si naturel à notre sexe. Je ne pense pas que quiconque puisse m'accuser de manquer de franchise. D'affranchise, oui, c'est la pose à la mode. Et puis c'est si commode pour cacher ce que l'on pense vraiment. J'ai la vague impression que tu n'es pas très aimable, mère. De mon côté, j'ai l'impression définitive que tu es complètement idiote, ma chérie. Parce que je prétends dire à Valérie des choses qu'elle doit savoir. Ah, tu avais raison alors. Et peut-on te demander pourquoi tu considères que Valérie doit savoir? Pourquoi? C'est le type même de questions qui se passe de réponse. J'ai toujours observé qu'il est particulièrement difficile de répondre aux questions qui se passent de réponse. Oh, détrompe-toi, la réponse la voilà. Valérie doit savoir la vérité parce que c'est la vérité. Bien sûr, la vérité est une chose excellente. Surtout quand on l'a dit pour sa propre satisfaction. Mais Valérie est très malheureuse, mère. Quelle plaisanterie. Elle mange bien, dort bien, s'habille bien et elle perd du poids. Je ne connais pas une femme qui puisse être malheureuse dans ces conditions. Ah, si tu fais exprès de ne pas comprendre, il est inutile d'insister. Tu es une femme adorable, mais il faut le dire, une mère dénaturée. Mrs. Simpson. Comme je suis ravie de vous voir, Barbara. Bentley m'a dit que Valérie était sortie, mais que vous étiez là. Que faites-vous de beau? Nous nous disons des aménités. Oh, à propos de quoi? Valérie. Barbara, John est l'amant de Fanny. Le savais-tu? Oh, je déteste répondre avec précision à une question précise. Parfait. Je suppose que nous étions les seuls à ne pas être au courant. Depuis quand, sais-tu? Il paraît que ça dure depuis des mois. Je n'arrive pas à comprendre comment nous pouvions ignorer... Allons, l'humanité n'est pas si vilaine qu'on le dit. Quand je pense que nous avons tant de chers amis et que ce n'est que ce matin que l'une d'elles a parlé. Peut-être la chère amie n'a-t-elle elle-même appris la nouvelle que ce matin? Au premier abord, j'ai refusé d'y croire, bien entendu. Au premier abord seulement, n'est-ce pas, chérie? Je dois en convenir, tu t'es rendue à l'évidence avec un enthousiasme qui m'a coupé le souffle. Et que veux-tu? Deux et deux font quatre. La surprise passée, j'ai tout compris. Ce qui m'étonne, c'est de ne pas y avoir pensé plus tôt. Comme vous devez être contrariée, Mrs. Bell. Moi, pas du tout. J'avais une mère très stricte qui m'a enseigné que les hommes étaient mauvais par définition. Alors, ce qu'ils font me surprend rarement et ne me contrarie jamais. Oh, Barbara, mère me rendra folle. Elle traite ça par-dessous la jambe. Valérie et John sont mariés depuis 15 ans. John est un homme des plus agréables. Je me suis parfois demandé s'il était plus fidèle que la plupart des maris. Et puis, ma foi, comme ça ne me regarde pas. Mais enfin, Valérie est-elle ta fille, oui ou non? Tu as décidément la passion des questions précises, ma chérie. Eh bien, voilà, je ne peux rien te cacher. La réponse est oui, Valérie est ma fille. Et tu as l'intention de rester tranquillement assise ici, pendant que son mari la trompe honteusement, avec Fanny, sa meilleure amie? Tant qu'elle l'ignore, je n'y vois pas d'inconvénient. Et puis, Fanny est très mignonne, très sotte aussi, mais les hommes adorent cela. Pour ma part, je les comprends. Une femme intelligente a le respect de l'homme, elle exalte ses vertus réelles, il en a que faire. John, par exemple, se moque bien qu'on lui dise qu'il est un maître de la chirurgie. Il préfère 100 fois qu'on admire sa performance au golf. Et il faut bien le dire, il ne devrait jamais toucher un club. Quand un homme parle de son âge, 20 ans, 40 ou 60, tu es assuré du succès, en ouvrant de grands yeux candides pour dire dans un soupir, c'est le bel âge. Barbara, as-tu jamais entendu une femme respectable et mère et respectable? Très. Parler ainsi. Tu es d'avis qu'on devrait faire quelque chose? J'ai décidé de faire quelque chose. Et moi, ma chérie, j'ai décidé qu'il y a au moins une chose que tu ne feras pas. C'est d'en parler à Valérie. Quoi, Doris? C'est cela que tu veux faire? Elle a le droit de savoir. Si mère se dérobe, je suis là. J'aime beaucoup Valérie. Bien entendu, il y a longtemps que je sais et que j'en ai de la peine. Mais John l'a mise dans une situation impossible. Un mari n'a pas le droit de bafouer sa femme comme il a bafoué Valérie. Elle est devenue un objet de risée. Oh, s'il suffisait aux femmes d'être trompées pour faire rire, le séjour sur la terre serait vraiment d'une grande gaieté. À propos... Vous saviez qu'ils déjeunaient ensemble aujourd'hui? Non, mais je sais qu'ils ont dîné ensemble avant-hier. Nous savons même ce qu'ils ont eu pour dîner. Ah, savez-vous ce qu'on leur a servi à déjeuner? Mère! N'allez pas laisser Barbara nous snobber avec cette histoire de déjeuner. Ah, mère, tu n'as pas l'ombre de pudeur. Oh, chérie, écoute, ne parle pas de pudeur, veux-tu? La pudeur est morte avec notre bonne reine Victoria. Paix à leur cendre! Enfin, vous ne pouvez pas tolérer que John s'affiche ainsi avec la meilleure amie de Valérie. J'ai du mal, je l'avoue, à prendre au sérieux les gamineries de ces messieurs. Ils sont ainsi faits. John est très pris par sa chirurgie, et je le comprends d'avoir envie de dîner de temps à autre avec une jolie femme. 3 repas par jour avec la même pendant 7 jours par semaine, mais c'est très monotone. Moi-même, je trouve fort ennuyeux de dîner tous les soirs en face de Doris. Et les hommes supportent bien moins l'ennui que les femmes. Ah, merci quand même. Mais ils ne font pas que déjeuner et dîner ensemble. Et craindriez-vous le pire, Barbara? Il n'est plus à craindre. Et tout est préférable au doute, n'est-ce pas? Les portes sont closes, nous sommes seuls. Alors avouons que tant qu'un homme se montre un mari charmant, on aurait mauvaise grâce à lui reprocher de s'écarter de temps à autre du sentier de la vertu. Ainsi, tu n'attaches aucune importance aux serments échangés entre un mari et sa femme? À ceux de la femme, si. Mais c'est parfaitement injuste. Pourquoi les femmes seules devraient-elles être fidèles? Parce que, dans l'ensemble, elles aiment ça. Nous sommes fidèles par nature, et disons-le, ça nous est facile. Nous n'avons pas le goût du changement. Je me demande... Ma petite Barbara, vous êtes veuve et parfaitement libre. Avez-vous souvent pensé à... Mais ça n'est pas pareil. J'ai mon travail. Ça ne me laisse pas beaucoup de temps pour penser à l'amour. Un homme a son utilité dans un intérieur. C'est très agréable de l'avoir sous la main pour vous dire que vous avez raison quand vous savez fort bien que vous avez tort. À propos, comment vont tes affaires, Barbara? En plein boom. C'était d'ailleurs le but de ma visite. Je voulais demander à Valérie si elle n'envisagerait pas une association. Pourquoi, grand Dieu? John gagne beaucoup d'argent. J'avais pensé qu'elle serait contente de se sentir indépendante, au cas où les choses se gâteraient. Alors, vous aussi, Barbara, vous souhaitez le drame? Non, bien sûr, mais ça ne peut pas durer. C'est un miracle que Valérie ne sache pas encore. J'espère qu'elle saura, et vite. Je persiste à penser que le devoir de mère est de tout lui dire. Et je persiste à n'en avoir pas la moindre intention. Bon, alors je le ferai. C'est ce que nous verrons. Sa position est intolérable. John a dépassé les bornes. Mais quant à Fanny, je lui dirai son fait à la première occasion. Tu es une seule petite bonne femme, une petite garce. Je pense qu'en tout cas, cela peut être agréable à Valérie de savoir que si les choses se gâtent, elle peut se tourner vers moi. Mais John lui ferait une très belle pension, il est fort généreux. Mais tu vois, Valérie l'acceptant. Doris a raison, Mrs. Bennet. Aucune femme dans de telles circonstances n'accepterait un sou de son mari. Sans aucun doute, c'est ce qu'elle dirait. Mais son avocat aurait reçu des instructions précises. Peu d'hommes savent à quel point les femmes combinent avec une parfaite ingénuité le beau geste et les vues pratiques. N'êtes-vous pas un peu cynique? Je ne crois pas. Mais quand elles sont entre elles, je ne vois pas pourquoi les femmes ne s'offriraient pas le luxe de dire la vérité de temps en temps. C'est reposant de consentir à être ce qu'en réalité nous sommes. Je ne sache pas avoir jamais prétendu être autre chose que ce que je suis. Non, pas toi, ma chérie. Mais il faut l'avouer, tu es stupide. Tu tiens ton pauvre père. Valérie et moi sommes le cerveau de cette famille. Ah, Valérie! Il y a longtemps que vous êtes là? Comment vas-tu, mère? Qu'est-ce que tu as fait de beau, Valérie? Oh, des tas de courses avec Fanny. Elle monte. Fanny est là? Oui, en bas, elle téléphone. Vous êtes inséparables, Fanny et toi. J'aime beaucoup, elle m'amuse. Vous avez déjeuné ensemble? Non, elle déjeunait avec un câlin. Vraiment? John déjeune toujours à la maison? Oui, à moins qu'il n'aille à la clinique très tôt. Comme aujourd'hui? Non, aujourd'hui, il avait un rendez-vous. Ah oui? Avec qui? Comment veux-tu que je le sache? Quand tu auras été mariée aussi longtemps que moi, tu ne demanderas à ton mari ni ce qu'il fait, ni avec qui. Et pourquoi pas? Parce qu'il pourrait lui venir à l'esprit de te poser la même question, mon chou. Et aussi parce que la confiance pour une épouse est le commencement de la sagesse. Et puis, je n'ai jamais trouvé chez John de quoi m'inquiéter. Tu es verni ou futé? Oh, mais je ne savais pas qu'il y avait réception. Nous nous sauvions. Tu connais ma mère, Fanny? Bien sûr. C'est un chou de mère. Avec sa tête sur ses épaules et encore assez verte pour son âge. Comment va, Barbara? Bonjour, Fanny. Nouvelle robe? Oui, je l'inaugure. Pour le déjeuner avec un câlin? Qu'est-ce qui te fait croire que je déjeunais avec un fleur? Valérie me l'a dit. Oh, ce n'est qu'une supposition. Quand tu es arrivée, tu avais l'œil brillant et ce petit air ravi qu'une femme a toujours quand on vient de lui dire qu'elle est une adorable chose. Dis-nous qui c'est, Fanny. N'en fais rien, Fanny. Garde ton secret. Sans ça, plus moyen de potiner quand tu sera partie. Comment va ton mari? Très bien, je viens de lui téléphoner. Je n'ai jamais vu quelqu'un afficher une telle adoration pour sa femme. Oh oui, il est sous, hein? Ça doit être épuisant de se montrer à la hauteur d'une telle adoration. Suppose qu'il découvre que tu n'es pas exactement telle qu'il t'imagine. Il en mourrait. Mais Fanny est telle qu'il l'imagine. De toute façon, tu sais, même si j'étais autrement, il ne le croirait pas. Tiens, j'entends John. John? John? Hello? Tu montes? Fanny est là. J'arrive. Il a opéré tout l'après-midi, il doit être mort. Je suis sûre qu'il a déjeuné d'un sandwich. Oh, c'est la grande foule. Comment se porte belle maman? Très belle maman. Je n'ai épousé Valérie que parce que sa mère n'a pas voulu de moi. Oui, j'étais trop jeune à cette époque pour épouser un garçon de 20 ans, mon cadet. Ça n'empêche que tu flirtes tout rageusement depuis lors avec cette créature. Qu'as-tu fait aujourd'hui, ma chérie? Des courses avec Fanny. Oh, comment allez-vous? Vous avez déjeuné ensemble? Non, elle a déjeuné avec un câlin. Heureux homme. Que devenez-vous, Fanny? Il y a des siècles qu'on vous a vu. Comment? Je ne quitte pas Valérie. C'est vous qui n'êtes jamais là. Comment va le riche mari? Je viens de l'appeler. Oh, je suis furieuse. Il est obligé de partir ce soir pour Liverpool. Dîne avec nous, mon chou. Ah, oh, tu es un trésor, mais je tombe de fatigue. Je vais me mettre au lit. Vous avez de la chance. J'ai une urgence, une sale appendicite ce soir. Je ne dînerai pas, Valérie. Oh, flûte! Quelle merveilleuse profession, John. Chaque fois que vous avez besoin de votre liberté, il y a toujours une opération dans le coin. Oh, Doris, comment oses-tu semer la suspicion dans mon cœur innocent? John ne me raconte jamais d'histoire, n'est-ce pas, John? Il faudrait que je sois très fort pour te faire croire des histoires à toi. Très fort. Que c'est adorable de voir un couple si uni. Vous avez 15 ans de mariage, hein? Oui, et ça ne fait pas un jour de trop. Il doit être horriblement tard, je me sauve. Au revoir, Mrs. Bennett. Au revoir, tout le monde. Au revoir, chérie, et merci de cet adorable après-midi. Et je vous raccompagne. Je partais. Fanny, je viens avec toi. John, si vous aviez une seconde, je vous montrerais mon genou. Il me fait damner depuis 2 jours. Naturellement. Entrez dans mon cabinet. Il faut se méfier. Vous savez, quand on s'est démis le genou, il en reste souvent quelque chose. Je t'attends. Tu ne seras pas longue. Je te déposerai en taxi. J'ai ma voiture. Alors, tu peux me déposer? Bien sûr, avec plaisir. Allons voir ce genou. Oh, il fait tellement... Vous savez, faut faire très attention, parce que... Qu'est-ce qu'il a, son genou? Il glisse. Et alors? Elle glisse aussi. Ça ne t'inquiète pas que John s'enferme dans son cabinet avec de jolies femmes? Oh, si, le pauvre chou. Mais il n'a qu'à appeler au secours et l'infirmière rentre aussitôt. Elle est là, en ce moment? J'ai toujours pensé que pour se verdir des douceurs dans un cabinet de médecin qui embaume l'antiseptique, il faut qu'une femme porte des dessous affreux. Ça m'évite d'être jalouse. John ne supporte pas ça. À propos, Fanny m'a prêté 2 amours de pantalon à copier. Celui en mousseline noire? Oh, j'adore, je les m'aime. Il n'y a pas à dire. Fanny est ravissante. Fanny est exquise. Mais elle et John se connaissent depuis trop longtemps. John l'aime bien, mais il la trouve idiote. Les hommes ne disent pas toujours ce qu'ils pensent. Heureusement, sans quoi nous aurions du mal à savoir ce qu'ils sentent. Crois-tu vraiment que John n'ait pas de secret pour toi? Oh, pauvre, tu t'exprimes comme une vieille demoiselle. Tu penses vraiment que les hommes sont pleins de mystères? Ce sont des enfants. Veux-tu que je te dise? John a 40 ans et moins évolué qu'Hélène a 14. Comment va ta fille, Valérie? Très, très bien. Les hommes, vois-tu, ne sont au fond que de petits garçons. Il leur arrive de ne pas être sage, alors il faut faire semblant de se fâcher. Ils attachent tant d'importance aux choses qu'ils n'en ont pas, que c'en est vraiment touchant. Ils sont sans défense, tout comme les petits chiens. Il faut aller les repêcher sous les roues des voitures, les pauvres chéris. On ne peut pas s'empêcher de bien les aimer, mais il faut être idiote pour les prendre au sérieux. Toi, mère, qu'en penses-tu? Moi, tout simplement que tu n'es pas amoureuse de ton mari. Hein? Fanny vous attend, Doris. Je lui ai massé un peu le genou, elle se sent mieux. Avec douceur, j'espère. Bonsoir, Valérie. Mère, tu viens? Non, pas tout de suite. Ah. Au revoir, Barbara. Au revoir, Doris. J'ai attendu Valérie parce que je voulais bavarder avec toi. Mes affaires ont pris un tel développement que je n'y suffis plus. Ça ne t'amuserait pas de venir m'aider? Oh, les affaires, moi, tu sais. Tu as un goût exquis, tu es pleine d'idées, tu pourrais t'occuper de la décoration. Et moi, uniquement de l'achat et de la vente des meubles. Mais je n'ai pas de capital, mon chou. J'en ai plus qu'il ne m'en faut. J'ai besoin d'être aidée, pas commanditée. Et je ne connais personne de plus indiqué que toi. On marcherait moitié-moitié, et je pense que la première année, tu devrais te faire 1000 à 1500 livres. Chère Barbara, je n'ai jamais rien fichu de mes 10 doigts. 8 heures de travail par jour, bon. Tu ne veux pas y réfléchir? Je suis sérieuse, tu sais. Tu ne t'assommes pas dans la vie sans rien faire? Bon, sincèrement, je crois que ça déplairait à John. Après tout, il aurait un peu l'air de n'avoir pas les moyens de m'entretenir. Mais toutes les femmes ont une carrière de nos jours. Mais j'en ai une, je m'occupe de John, tenir sa maison et le rendre heureux. Est-ce bien prudent de mettre tous ses œufs dans le même panier? Une femme qui ne dépend de personne peut envisager l'avenir avec confiance. C'est un amour. Mais tant que John et moi sommes heureux ensemble, je crois qu'il serait stupide de ma part de risquer de le blesser. Peut-être. Enfin, si tu changes d'avis, ma proposition tient toujours. Tu m'en voudras pas, ma chérie, si je t'avoue que j'espère ne jamais avoir besoin d'y songer. Naturellement, non. Mais tu sais que tu n'as qu'un mot à dire. Je me sauve. Bonsoir, chérie. Au revoir, Barbara. Bonsoir, Mrs. Bennett. Bonsoir. Regarde-moi un peu, toi. Heureuse? Très. Ça se voit, il me semble. C'est vrai, les apparences sont là. À te voir, on jurait que tu n'as pas l'ombre d'un souci. Et on aurait tort. Ma cuisinière m'a laissé tomber et elle fait les meringues comme personne. J'aime beaucoup John. Moi aussi, figure-toi. Il a toutes les qualités du parfait mari. Caractère agréable, sens de l'humour et une grande indulgence à l'égard des dépenses les plus idiotes. J'ai toujours dit que tu étais intelligente, ma fille. Ce sont là de solides qualités qui font un gros mari. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Si l'on veut être heureux, il faut tolérer que les autres le soient à leur façon. L'important, vois-tu, c'est de ne jamais permettre à la vanité... Maman, calme-toi. Chacun se croit si malin de nos jours qu'on voit tout, qu'on prend tout sauf l'essentiel. J'ai découvert qu'il me suffit de proférer des vérités premières le plus simplement du monde pour passer pour la vieille dame la plus originale et la plus amusante qui soit. Si on parlait d'autre chose, veux-tu? Valérie, Si jamais quelque chose n'allait pas, tu me le dirais. Oh, bien sûr. Ce serait tellement sot, ma chérie, de te sentir un peu triste et de permettre à une fausse pudeur de te priver de mes consolations, de mes conseils. Mais il n'en est pas question, mais... L'autre jour, par exemple, j'ai reçu les confidences d'une jeune femme qui souffre de se sentir un peu négligée par son mari. Mais John ne me néglige jamais. Je lui ai demandé pourquoi elle se confie à moi plutôt qu'à sa mère. Elle prétend que sa mère, s'étant opposée au mariage, elle a trop de fierté pour les se plaindre à elle. En fait, consolation, je l'ai surtout secouée. Ce n'est pas très gentil. J'ai mes idées à moi sur le mariage. Elles ne sont pas originales. Si une femme est négligée, c'est qu'elle le veut bien. Si elle est systématiquement trompée, 9 fois sur 10, c'est de sa faute. Systématiquement, ça fait sinistre. Voilà des histoires, parce qu'un mari est infidèle de ci, de là. Est-ce qu'ils prennent ça au sérieux? Oh, je ne sais pas. Ça flatte sans doute leur petite vanité. Oh, quel mal y a-t-il. Je le disais à ma jeune amie. Tant pis pour vous si votre mari regarde les autres femmes. C'est votre devoir d'être la plus jolie. Si vous n'y réussissez pas, c'est pas tout de même une raison pour le blâmer. Et puis d'ailleurs, la fidélité, veux-tu que je te dise, ce sont les femmes laides qui l'ont inventée. Tu permets que je fasse les pieds au mur? Quand une femme de ton âge pose de tels principes, un geste symbolique s'impose. Sois pas idiote, veux-tu? Puisqu'on a inventé la fidélité, c'est sans doute une chose excellente. Ah, tu vois, pour les femmes, et elles feraient beaucoup mieux de ne pas s'ingénier à voir les choses qu'on essaie de leur cacher. Madame a sonné. Oui, Bentley. J'attends Sir James Anderson. Je n'y suis pour personne d'autre. Très bien, madame. Monsieur est là? Oui, madame. Monsieur est dans son bureau. Merci. Est-ce une façon polie de me mettre à la porte? Bien au contraire, je tiens à ce que tu restes. Quel est ce mystérieux étranger? James, mère. Ah, James! Oh, ça ne me dit rien du tout. Enfin, Trésor, il a demandé ma main. S'il faut se rappeler à présent, tous les individus qui en ont fait autant. Mais il a fait beaucoup plus souvent que les autres. Pourquoi? Sans doute parce que je refusais. Il ne m'a pas laissé le moindre souvenir. Voyons, je l'ai presque épousé. Et pourquoi seulement presque? Il avait un peu trop tendance à se transformer en carpette pour que je le piétine à loisir. Ouais, je vois. Pas de sens de l'humour. J'étais sûre de son amour, mais je n'étais pas de celui de John. Tu l'es maintenant, chérie? John! Il m'adore. Et que vient faire ce jeune garçon? Oh, pas si jeune que ça. Il avait à l'époque 29 ans. Ça lui en fait 45 aujourd'hui. Il n'est pas toujours amoureux de toi? Non, je ne pense pas. Tu crois ça possible après 15 ans? C'est bien peu probable. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Ne me raconte pas d'histoire, mon enfant. Tu sais très bien s'il est amoureux de toi ou pas. Mais je ne l'ai pas revu depuis mon mariage. Il habite la Chine. Il est bien revenu une fois, mais c'était pendant ma grande maladie et je ne recevais personne. Alors, pourquoi vient-il te voir aujourd'hui? Vous vous écrivez? Non. Comment veux-tu écrire à un être qu'on n'a pas vu depuis 15 ans? Mais il m'envoie toujours des fleurs pour mon anniversaire. Tiens, il y a encore des hommes capables de ça. Évidemment, quand on habite la Chine. Et l'autre jour, j'ai reçu un mot me disant qu'il était à Londres et aimerait me voir. Je l'ai prié de venir aujourd'hui. Ah, je me demandais aussi pourquoi tu t'étais fait si belle. Il a peut-être beaucoup changé. Il est sans doute chauve et quelque peu bedonnant. Il est peut-être aussi marié. Oh, s'il l'était, il n'aurait pas désiré me voir. Ouais, c'est bien ce que je disais. Tu le crois toujours amoureux de toi? Non. Alors, pourquoi es-tu si énervée? Je n'ai pas envie, c'est évident qu'il me trouve l'air d'une vieille sorcière. Il m'adorait. Et j'imagine qu'en pensée, il me revoit comme il m'a connue il y a 15 ans. J'avoue que ce me serait désagréable de voir son visage s'allonger de 25 cm quand il me verra. Bon, eh bien, je crois que je vais te laisser seule affronter cette terrible épreuve. Oh non, reste, je t'en prie. Imagine qu'il soit devenu affreux. Je n'aurais pas la moindre envie de rester seule avec lui. Mais s'il n'était pas devenu affreux... J'ai l'impression que tu me places dans une situation assez gênante. Écoute, si je le trouve terrible, on parle du temps qu'il fait pendant 5 minutes. Puis nous observons un silence lourd en le dévisageant. Un homme se sent alors toujours idiot. Mais quand il se sent idiot, il se lève et s'en va. Non, mais quelquefois, ils n'en ont pas le courage. Et la terre ne s'ouvre même pas pour les engloutir, les pauvres. D'un autre côté, si je le trouve agréable, je tousserai discrètement. Pourquoi? Pour que ma digne mère nous informe qu'il est temps qu'elle se sauve. Sir James Anderson. Je suis ravie de vous revoir. Vous n'avez pas oublié ma mère? Je suis bien certain qu'elle m'a oublié. L'heure du thé est passée. Que prendrez-vous, whisky? Mille merci, je viens d'en prendre 2. Pour vous donner du courage? J'étais un peu nerveux, c'est vrai. Ai-je autant changé que vous l'imaginiez? C'était pas à ce propos que j'étais nerveux. Il n'y a vraiment 15 ans que vous n'avez vu Valérie? Oui, je n'ai pu la voir lors de mon dernier séjour ici. Puis j'ai dû retourner en Chine mettre mes affaires en ordre et les événements m'ont empêché de revenir depuis. Et cette fois, vous êtes ici pour longtemps? 1 an. Avec votre femme? Je ne suis pas mariée. Valérie m'avait dit que vous aviez épousé une dame chinoise. Quelle invention! Je n'ai jamais rien dit de tel. Ah, j'ai confondu avec Julia Newton. Oui, c'est ça. Elle avait épousé un pacha égyptien. Elle est, paraît-il, très heureuse. Enfin, il ne l'a pas encore tuée. Votre mari va bien ? Très, très bien. Vous allez le voir, je pense. Vous aviez une petite sœur, n'est-ce pas ? Je suppose qu'elle a fait son entrée dans le monde. Il veut parler de Doris. Oui, elle a fait son entrée et sa sortie aussi, d'ailleurs. On ne l'a pas retenue. Mais elle n'était pas tellement plus jeune que moi. Vous aimez la Chine, Sir James ? Beaucoup. La vie y est très attachante. Une cigarette ? Quelle heure est-il ? Très tard, mère. Tu vas manquer ton rendez-vous. J'espère avoir le plaisir de vous voir, Sir James. Je m'en fais une joie, Mrs. Bennet. Au revoir, chérie. J'avais oublié si la toux voulait dire reste ou pas. Tu n'avais qu'à regarder James. Oh. Au revoir, mère. Quel dommage que tu sois obligée de te sauver si vite. Au revoir. Au revoir. Ce que je viens de faire est très grossier, je m'en excuse, mais ma mère adore faire du mystère. Elle est charmante, votre mère. Venez vous asseoir ici, bavardons. Que je vous regarde d'abord. C'est extraordinaire, vous n'avez presque pas changé. Les hommes ont toutes les chances. Ils deviennent souvent mieux en vieillissant. Vous savez que j'ai 35 ans ? C'est bien possible. Je voudrais vous dire quelque chose. Quand j'ai reçu votre lettre, j'étais si ravie à l'idée de vous revoir que j'ai répondu aussitôt sans réfléchir. Et puis j'ai été prise d'une panique folle. J'aurais donné tout au monde pour attraper ma lettre. Depuis ce matin, je me promène avec une pierre au creux de l'estomac, c'est très désagréable. Pourquoi, mon Dieu ? Pourquoi ? Mais parce qu'il serait stupide à moi de nier que j'étais une très jolie jeune fille et qu'il est pénible d'être soudain obligé d'admettre qu'on est moins bien. Les familiers, bien sûr, ne vous en disent rien et soi-même, on trouve plus commode de ne pas y penser. Quand même, j'ai finalement décidé que je préférais savoir le pire et c'est pourquoi je vous ai laissé venir. Quoi que j'ai pensé, comment avez-vous pu imaginer que j'aurais la grossièreté de le montrer ? Non, je sais. Mais lorsque vous êtes entrée, j'ai surveillé l'expression de votre visage. J'avais si peur d'y lire « Dieu, quelle ruine !» C'est cela que disait mon regard ? Vous étiez, il me semble, un peu gênée en entrant. Je ne crois pas que vous pensiez à moi. C'est exact. Vous étiez une ravissante jeune fille. Aujourd'hui, vous êtes belle. 100 fois plus belle que je n'imaginais. Vous êtes gentille de le dire. Vous ne me croyez pas ? Bon, je pense que vous le croyez et j'avoue que c'est déjà très beau. Dites-moi, James, pourquoi n'êtes-vous pas marié ? Il est grand temps d'y penser. Je n'ai jamais songé à épouser qu'une femme. Vous, Valérie. Oh, allons. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez jamais été amoureux depuis 15 ans. Oui, bien sûr, j'ai été amoureux plusieurs fois, mais j'en suis toujours arrivé à la même conclusion. Il n'y a pour moi qu'une femme. Vous. C'est doux à entendre. Je ne vous aurais pas cru si vous aviez prétendu n'avoir jamais été amoureux depuis 15 ans. Et j'aurais même été choquée que vous me jugiez assez sotte pour imaginer cela possible. Tout cela est tellement simple. C'est toujours vous que j'ai aimé à travers les autres. Celle-ci avait votre sourire, celle-là vos cheveux. Aucune n'était vous. Je n'aime pas penser que je vous ai rendu malheureux. Vous ne m'avez pas rendu malheureux. J'avais une vie fort agréable, des satisfactions dans mes affaires, des plaisirs charmants. Et puis, je comprends si bien que vous m'ayez préféré John. Vous vous rappelez, John ? Fort bien, il était charmant, il avait tout pour vous rendre heureuse et pouvait vous apporter ce que vous désiriez de la vie. Il était mieux équipé que moi pour être un bon mari. Je n'ai pas un caractère facile, je suis souvent irritable. Vous êtes heureuse avec lui ? Très. Je crois pouvoir dire que notre union est un succès. Vous savez que j'en suis heureux. Puis-je me permettre une question indiscrète ? John vous aime ? Oui, je le crois. Et vous l'aimez ? Beaucoup. Cela vous ennuierait que je fasse un petit discours ? Oh, du tout, à condition que je puisse l'interrompre si je le juge bon. J'espère que vous m'accorderez le maximum de votre temps pendant mon séjour ici. Avec joie. Je veux seulement vous dire ceci, et nous n'en parlerons plus jamais. Je vous aime aussi follement, plus peut-être qu'il y a 15 ans. Je sais maintenant que je vous aimerai toujours. Je suis un trop vieux chien pour apprendre de nouveaux trucs, mais je veux que vous soyez certaine que je saurai ne jamais vous importuner. Ça n'était pas un bien long discours. Je ne vous demande que votre amitié. Si en retour il me plaît de vous donner mon amour, tout mon amour, cela ne regarde que moi. Je crois que je sais être une très bonne amie, James. Oh, je te croyais seule. Oh, John, mon mari, Sir James Anderson. Enchanté. Vous ne me reconnaissez pas ? Vous êtes trop sympathique pour que je mente. En toute honnêteté, non. Mais voyons, chérie, James venait souvent chez ma mère. Avant notre mariage, tu veux dire ? Oui, vous avez l'un et l'autre passé plusieurs week-ends avec nous à la propriété. Il y a 15 ans, darling. Je suis désolé de ne pas m'être souvenu de vous, mais croyez que je suis ravi de vous voir ce soir. James arrive de Chine. J'espère que nous nous verrons souvent ici. Chérie, je vais faire un tour au club. Pourquoi ne dînez-vous pas ici avec Valérie ? J'ai une urgence ce soir et elle est abandonnée. Pauvre chou. C'est très aimable à vous. Êtes-vous libre ? Oh, ce serait charitable. Je suis toujours libre pour être charitable. Bravo. Je vous attends à 8h15. Nous parlerons de la Chine. Deuxième acte. fin d'après-midi, 2 semaines plus tard. Doris feuillette un magazine. Entre Bentley. Sir James Anderson est là, Miss Doris. Priez-le d'entrer, Bentley. Sir James Anderson. Bonjour. Valérie termine sa toilette, elle ne sera pas longue. Rien de presse. Vous allez à Wimbledon, je crois? En principe, oui, je connais quelques-uns des joueurs. Alors, vous vous entendez bien avec Londres? Merveilleusement. Habitant la Chine depuis 15 ans, je craignais de me sentir un peu perdu ici, mais Valérie et John ont été adorables et... Vous aimez, John? C'est un charmant garçon. Vous savez que je me souviens très très bien de vous. Vous plaisantez il y a si longtemps. Vous étiez alors très amoureux de Valérie. Ah oui? C'est bien possible. Tout cela est si vieux. Vous l'aimez toujours, n'est-ce pas? Ça, pas le moins du monde. Vous en avez un aplomb, mon cher. Voyons, vous vous vendez sans arrêt. Savez-vous de quoi vous avez l'air lorsque Valérie est là? Vous étiez, il y a 15 ans, une enfant insupportable, Doris. Vous êtes aujourd'hui une femme impossible. Je ne pense pas. Non, voyez-vous, j'aime beaucoup ma sœur et je vous trouve très, très gentille. Alors ayez la bonté de le prouver en vous mêlant de ce qui vous regarde. Mon cher James, personne ne peut vous voir avec Valérie 5 minutes sans comprendre que vous l'adorez. C'est tout ce que j'ai dit. Pourquoi vous fâchez? Parce que j'ai 1 an à passer à Londres, que je désire être heureux et que je ne veux pas être la cause, même involontaire, de la moindre complication. L'amitié de Valérie m'est fort précieuse et je ne permets pas qu'on me l'abîme. Avez-vous songé que Valérie désire peut-être plus que votre amitié? Non, je n'y ai pas songé, figurez-vous. Bon, ne vous fâchez pas. Valérie est parfaitement heureuse avec John. Ah, vous êtes trop stupide. Tout le monde sait que John trompe sa femme depuis longtemps. Je ne vous crois pas. Demandez à qui vous voudrez, ma mère, Barbara, tout le monde sait, sauf Valérie, bien entendu. Fanny Byrne me disait précisément l'autre jour à dîner que Valérie et John sont le couple le plus uni. Fanny vous a dit ça? Parfaitement. Elle ne manque pas de toupet. C'est précisément avec Fanny que John trompe ma sœur. Fanny est la meilleure amie de Valérie. Bah oui, justement. Je ne sais pas ce qui me retient de vous étrangler. Je vous fais mes excuses, Doris, de m'être emportée ainsi. La violence ne me déplaît pas. Vous êtes exactement l'homme dont Valérie a besoin. Je ne comprends rien à vos âneries, Doris. Restons-en là, voulez-vous? À votre aise. Mais John ridiculise Valérie et j'estime qu'elle devrait être mise au courant. J'aurais eu le courage de m'en charger, seulement mère a fait une telle histoire que j'ai dû promettre de me taire. Et vous êtes toute prête à me charger de cette jolie mission? Non. Je ne pense pas qu'elle le prendrait bien venant de vous. Mais ça ne peut durer, tôt ou tard, elle s'apercevra alors. Je veux être là au bon moment. Mais Fanny a un mari, bon sang! Qui a pour seule ambition d'arrondir son 1 million de livres. C'est un de ces pauvres types qui croient qu'il suffit d'aimer une femme pour être payé de retour. Fanny en fait ce qu'elle veut. Valérie n'a jamais rien soupçonné? Jamais, il n'y a qu'à la regarder. Sa confiance tranquille me donne parfois envie de hurler. Mais t'as vu qu'il faut tout faire pour qu'elle demeure dans l'ignorance. Elle est si heureuse. Je croyais que vous l'aimiez. Oui, assez pour faire passer son bonheur avant tout. Ça vous étonne, n'est-ce pas? Vous avez 45 ans, j'oubliais. Cher Doris, vous avez une façon exquise de dire les choses. Bentley! Ah, voilà Valérie. Mais que diable fait mère? Je vais l'attendre dans le boudoir, j'ai un mot à écrire. Il y a longtemps que vous attendez, James? Aucune importance. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment? Mais rien, Valérie. Mais vous avez l'air tout drôle, vous êtes fâchée? Allons, dites ce qu'il y a, je déteste les secrets. Je n'ai pas de secret pour vous. Oui, Doris. Parti? Elle écrit des lettres dans le boudoir, je crois, en attendant votre mère. Vous l'avez vue? Un instant, nous avons parlé du temps qu'il fait. Alors, nous partons? Nous avons tout le temps. Dans ce cas, je retire mon chapeau. C'est ravissant ici. J'adore cette pièce. Vraiment, elle vous plaît? J'ai pris plaisir à l'installer. Vous savez que mon amie Barbara est décorateur et elle veut absolument que je travaille avec elle. Elle gagne beaucoup d'argent. N'êtes-vous pas heureuse chez vous? Quel rapport! Il n'est pas nécessaire d'être malheureux chez soi pour envisager de se livrer à une occupation assez passionnante d'ailleurs, mais en ce qui me concerne, j'ai refusé. Dites, Valérie, vous êtes heureuse? Très. Vous m'avez rendu si heureux, moi, depuis 15 jours. J'en suis ravie, mais je ne vois pas ce que j'ai fait pour cela. Vous m'avez permis de vous voir? J'accorde cela au policeman du coin, vous savez. Je n'en parle jamais, mais vous savez que je vous adore, n'est-ce pas? Si j'ai bonne mémoire, nous avions convenu qu'il n'en serait jamais question. Cela vous ennuie que je vous aime? La Bible, je crois, nous recommande expressément l'amour pour notre prochain. Ne vous moquez pas. Mais je ne puis m'empêcher, cher James, d'être contente, flattée, touchée même que l'on puisse m'aimer ainsi. Vous adorez. Après tant d'années. Mais je n'ai pas la moindre envie que vous me fassiez la cour. Je n'en ai pas l'intention. Je me demande ce que vous croyez être en train de faire depuis 5 minutes. J'énonce des vérités premières. Excusez-moi, j'avais mal compris. J'ai été très sage depuis 15 jours, vous ne trouvez pas? Très. Alors permettez-moi de me laisser aller 2 minutes seulement. Si j'étais vous, je n'en ferais rien. Oui, mais vous n'êtes pas moi. Je veux vous dire, une fois seulement, que vous êtes, que vous avez été, que vous serez toujours tout pour moi. que votre bonheur m'est plus précieux que la vie. Vous êtes très, très gentil, James. Vous ne me croyez pas? Si, je vous crois. Que vous êtes exquise. Je voudrais tant que cela vous soit un tout petit peu doux. Cela m'est très doux. Il n'en faut pas plus pour me rendre follement heureux. Maintenant, je n'en parlerai plus. Je ne vois pas ce qui vous en a fait parler, soudain. Ça commençait à m'étouffer. Il fallait que ça sorte. Ah. Vous n'êtes pas fâché? Je ne suis pas idiote, James. C'est bien dommage que Doris ne se marie pas. Seigneur, vous ne comptez pas sur moi? Non. Mais je pense qu'un mari serait pour elle une occupation agréable et saine. C'est une gentille fille, au fond. Terriblement menteuse, mais gentille. Menteuse? Un point incroyable, même pour une femme. Si nous partions? À vos ordres. Je remets mon chapeau. J'en ai pour une seconde. Mrs. Bird, sir. Oh, bonjour. Madame. Bentley, voulez-vous prévenir monsieur tout de suite? Et certainement, madame. J'ai absolument besoin de voir John un instant et son salon est plein. Alors je lui ai fait demander de venir ici. Je vous cède la place. Je m'excuse, mais c'est assez urgent. John déteste être dérangé ainsi, mais... Non, je passe dans le fumoir. Vous attendez Valérie? Elle met son chapeau. Nous allons à Wimbledon. Au revoir. À bientôt. À bientôt et pardon encore. Oh, John! Qu'est-ce qui ne va pas? Walter! Qu'est-ce qu'il a? Des doutes, je crains. Des doutes? Pourquoi? Il était tellement bizarre hier. Il est entré dans ma chambre pour me dire bonsoir, s'est assis au pied de mon lit. Nous avons bavardé et il m'a demandé ce que j'avais fait la veille. Il ne lui a pas dit, j'imagine. Mais non, j'ai dit que j'avais dîné ici. Tout à coup, il s'est levé, il est sorti sans un mot. Il était rouge comme un coq. C'est tout? Non, il est parti au bureau ce matin sans entrer dans ma chambre. Il était pressé, sans doute. Il n'est jamais assez pressé pour partir sans m'embrasser. Oh, je crois que tu es en train de bâtir un roman policier sur du vent. Mais tu ne vois pas que je suis atrocement nerveuse. Mais si, je vois. J'essaie de te faire comprendre qu'il n'y a aucune raison pour l'être. Les hommes sont trop bêtes. Ils ne veulent jamais comprendre que ce sont les petites choses qui comptent. Je suis terrifiée. De toute façon, il y a une marge entre des soupçons et des preuves. Des preuves, il n'en a pas, c'est certain. N'empêche qu'il peut empoisonner ma vie. Suppose qu'il fourre des idées dans la tête de Valérie. Ça, il aurait du mal. En mettant les choses au pire, je me débrouillerai toujours avec Walter. Il m'aime tellement. Ça me donne un sérieux avantage sur lui. Il est gâteux, tout simplement. Mais si Valérie devait savoir, je mourrais de honte. Après tout, elle est ma meilleure amie et il n'y a rien au monde que je ne ferais pour elle. Je continue à penser que tu t'affoles à tort. Mais si je me trompe, je suis d'avis alors de dire la vérité à Valérie. Oh, jamais! Ça ne lui sera pas agréable, elle fera peut-être une scène, ce qui est bien naturel. Elle se mettra en 10 pour nous aider. Oh, tu connais bien les femmes. Laisse-moi rire. Elle t'aidera, toi, possible. Mais en ce qui me concerne, elle sera trop heureuse de me traîner dans la boue. Les femmes sont comme ça. Mais pas Valérie. Si je n'avais pas de bonnes raisons d'être sûre de ton amour, ma parole, tu me rendrais jalouse. Tu as une façon de parler de ta femme. Ah non, tu souris. Voilà le calme qui revient. Ah, maintenant que je t'ai parlé, la situation me paraît moins noire. Bravo, chérie. Je suis sûre qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Tu as peut-être raison, après tout. Mais nous avions pris un tel risque. Pourquoi aussi étais-tu si adorablement jolie? Ce n'est pas ma faute, monsieur. Oh, Fanny, je ne savais pas que tu devais venir, mon chou. Bonjour, Doris. J'écrivais en attendant mère et James m'a dit que tu étais là. Mrs. Byrne m'avait demandé de lui céder un instant la place. J'avais besoin de voir John. Tu n'es pas bien? Moi? Si, mais Walter m'inquiète un peu. Je lui trouve très mauvaise mine et je voudrais que John le persuade de prendre des vacances. Mais tu ne crois pas que l'avis d'un médecin est préférable à celui d'un chirurgien dans ce cas? Walter admire tellement John. Avec raison. On peut faire confiance à mon beau-frère. Merci, Doris, à votre service. Oh, bonjour, chérie. Bonjour, Mrs. Bennett. Comment va le genou? On glisse toujours? De temps à autre. Tu sais ce que c'est? Oui, bien sûr. Tu t'as patienté, Doris? Du tout. Le temps a passé fort agréablement. Pour les autres, chérie, ou seulement pour toi? James m'emmène à Wimbledon. Nous sommes terriblement en retard. C'est très grave? Non. Qu'y a-t-il, Bentley? Venez. Comme c'est curieux. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Il est en bas? Oui, madame. Quoi diable faire passer sa carte? Faites monter, Bentley, voulez-vous? Très bien, madame. Qui est-ce, Darry? Fanny, viens t'asseoir. Mais il faut que je me sauve, et toi aussi, mon chou. Oui, tout le temps. Tu es mon chapeau. Oh, elle est adorable. Alors, John, tu n'as pas de malade aujourd'hui? Des masses. Je descends, mais je trouve que j'ai droit à une cigarette. Qu'est-ce que j'ai fait de mon étui? Tu l'as pas vu, Valérie? Non, chérie. J'ai cherché ce matin, déjà. Au diable, je vais le laisser. Peut-être à la clinique. Je vais donner un coup de fil. J'espère que tu ne l'as pas perdu. Oh, non. J'ai sûrement oublié à la clinique. Ou au club, peut-être. Monsieur Walter Bird. Oh, ne bouge pas. Hello, Walter. Mais qu'est-ce que vous faites de vous par ici à l'heure des affaires et quelle idée de faire passer votre carte? Qu'est-ce qu'il y a, Walter, chérie? J'ai pensé, Valérie, que cela vous intéresserait de savoir que votre mari est l'amant de ma femme. Walter! Ah? Et qu'est-ce qui vous fait croire cela? Vous reconnaissez cette boîte, je pense. Je l'ai trouvée sous l'oreiller de ma femme, hier soir. Oh, mais je savais bien qu'il ne pouvait pas être perdu, parce que j'ai pu me demander où je l'avais laissé depuis hier. C'est trop bête. Merci, Walter, vous êtes un ange. Cette boîte n'est pas à vous. Oh, Dieu, que je suis stupide de ne pas m'être rappelé que nous avions fumé une dernière cigarette avant que je te dise bonsoir. Et pourtant, tu t'en souviens. Ça m'a étonné de te voir fumer au lit. Ce sont les initiales de John, pas les vôtres. Oui, j'ai toujours eu envie de les faire gratter. Et puis, j'ai pensé que ça ne serait pas très gentil pour les clients qui ont offert cette boîte à John. Il serait assez furieux de savoir que je l'ai chippé. Mais elle est beaucoup trop jolie pour un homme. Ils ont dîné ensemble. Oh, voyons, je ne tiens pas de compte, mais cela doit faire la 30e fois cette année, cher Walter, que nous nous faisons une joie d'avoir Fanny ici quand vous avez un dîner d'affaires. C'était un banquet hier, je crois. Fanny a dîné ici? Ce n'est pas ce qu'elle vous a dit? Si. Vous aimeriez peut-être le témoignage de Bentley? Parfait. Sol, veux-tu, John? Non, je vous en prie. Si vous me donnez votre parole... Ah, je vous retrouve, Walter. J'avoue qu'il m'eût été désagréable de devoir prier mon personnel de témoigner en ma faveur. Mais si Fanny dînait ici, que diable faisiez-vous à fumer des cigarettes sur son lit? Cher Walter, je crois que vous passez les bornes. Enfin, après dîner, John nous a laissé pour une urgence. Et j'ai raccompagné Fanny pour voir ce qu'elle a rapporté de Paris. Il y avait un clair de lune, vous vous souvenez? Je n'ai pas le temps de m'occuper du clair de lune. C'est ce que je craignais. Fanny m'a tout montré, robe, chapeau, vous l'avez beaucoup gâté. Je lui ai fait grâce de rien. Elle a tout essayé, elle était morte, pauvre chou, et s'est mise au lit. Je ne valais guère mieux. Mais pourquoi n'êtes-vous pas rentré vous coucher dans ce cas? John avait promis de venir me reprendre. Rien à faire. Je suis tombé sur un de ces cas où tout va de travers. On commence à couper, on ne sait plus où s'arrêter. Enfin, vous connaissez ça, oui. Mais non, comment diable connaîtrais-je? Et nous sortons du sujet. Walter, vous venez de proférer une accusation très grave contre John et Fanny. Vous comprendrez que je sois assez bouleversée. Pourtant, j'ai l'intention de demeurer calme jusqu'à ce que vous m'ayez tout dit. Quelles sont vos preuves? Mes preuves? Ben, l'étui à cigarette. Quand je l'ai trouvé, j'ai tout naturellement mis deux et deux ensemble. Je comprends, mais pourquoi avoir conclu que deux et deux font cinq? Comment pouvais-je m'être trompé? Mais cela arrive aux meilleurs d'entre nous. Vous ne savez pas ce que j'ai souffert, Valérie. J'ai toujours vu en Fanny une confiance sans bornes. Alors, je n'ai pensé qu'à ça depuis hier soir. Et vous venez faire ici une scène odieuse simplement parce que vous avez trouvé ma boîte à cigarettes sur le lit de Fanny? Non, je ne peux pas croire ça. Vous êtes un gentleman, vous êtes intelligent. Il y a autre chose que vous ne voulez pas me dire. Je n'entends pas ainsi. Vous en avez dit trop ou trop peu. Je veux toute la vérité, j'y ai droit. J'ai bien peur de m'être donné en spectacle et d'avoir été ridicule. Je le crains. Comment me faire pardonner, Valérie? Comment vous faire mes excuses? Oh, moi, je n'ai pas d'importance. Vous m'avez humilié, vous avez semé entre John et moi la graine d'une méfiance qui ne pourra jamais être... Être fertilisée? Déracinée. Mais je le répète, moi, je ne compte pas. C'est de Fanny qu'il vous faut obtenir le pardon. Fanny... Ne me touche pas, ne m'approche pas. Valérie, vous savez ce que c'est que la jalousie? Oui, c'est la plus écœurante et la plus avilissante des maladies. Fanny, j'ai tant de chagrin, pardonne-moi. Oh, tu m'as jeté la plus grave des insultes à la face et devant tous mes amis. Tu connais ma dévotion pour Valérie, mais tu aurais pu m'accuser d'être la maîtresse de n'importe qui, mais pas de John. Le mari de sa plus tendre amie, non. Le premier, le policeman du coin, passe encore, mais pas le mari de sa meilleure amie. Oh, je suis une brute ignoble. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je ne me le pardonnerai jamais. Dire qu'il y a des années que je t'aime comme personne ne t'aimera jamais. Oh, tu es cruel, trop cruel. Viens, chérie, je t'en prie, viens, je ne peux pas te dire ici tout ce qui est dans mon cœur. Oh, non. Partez, Walter, cela vaut mieux. Laissez Fanny ici un moment. Après votre départ, je lui parlerai. Vous voyez bien qu'elle est bouleversée. Elle est tellement sensible pour vos choses. Nous dînons chez les Simpson. Je la ferai reconduire à temps. Vous croyez qu'elle me donnera encore une chance? Oui. Je l'aime tant, je ferai tout au monde pour elle. Votre main, John. J'ai commis une erreur monstrueuse. Je vous en demande pardon. Vous n'y pensez plus, mon vieux. J'avoue que la boîte à cigarettes était troublante. Si j'avais pu supposer que Valérie la traiterait avec tant de désinvolture, jamais je ne l'aurais laissé me la prendre. Parce que vous êtes chic tous les deux. En arrivant ici, j'avais 100 ans. Je m'en sens maintenant 15. Tu es unique et admirable, Valérie. Jamais je n'oublierai ce que tu viens de faire. Jamais, aussi d'autant que je vivrai. Et quelle présence d'esprit. J'avoue que pour ma part, j'en ai pas là. Mais tu t'es comporté, toi, avec un calme, une aisance. C'est à peine croyable. À propos, voilà ton étui. Tu feras bien d'y faire mettre un anneau pour t'attacher autour du cou. Merci, Valérie. Dis-moi, personne ne t'a vu entrer chez Fanny hier? Non, elle avait sa clé. Parfait. Si Walter interroge les domestiques, il n'apprendra rien de plus. J'étais obligée, évidemment, de prendre là un risque. Je n'avais pas le choix. Oh, Valérie, qu'est-ce que tu penses de moi? Exactement la même chose qu'avant. Tu es très mignonne, Fanny. Tu as tous les droits d'être furieuse. Le droit, peut-être. L'envie, non. Tu avais une superbe occasion de te venger. Tu ne l'as pas saisie. J'ai tellement honte. D'être la maîtresse de John ou d'avoir été découverte? Oh, Valérie, pitié. Dis tout ce que tu voudras. Insulte-moi. Traîne-moi dans la boue, mais ne ris pas de moi. Ma position est tellement délicate. Et tu voudrais que je fasse une scène? Oh, note que je te comprends, ce serait plus normal. Seulement, vois-tu, Walter ne m'a rien appris que je ne sache déjà. Quoi? Tu savais déjà? Depuis le début. Voilà 6 bons mois que j'essaie d'empêcher mes amis, ma famille, de me confier votre secret. Ça n'a pas toujours été facile de leur échapper. La compréhension profonde de Mère, la passion de Doris pour la vérité à tout prix, la sympathie discrète de Barbara m'ont presque tué. Mais jusqu'à aujourd'hui, vois-tu, l'été n'était pas définitivement barré, ni les points sur les i tous mis. Et j'ai pu ignorer des faits qui sautaient un peu outrageusement, il faut que je l'avoue, aux yeux. Mais comment as-tu pu te taire? Ce n'est pas humain. Pourquoi n'as-tu rien fait, rien dit? Cela est mon affaire, mon petit chou. Ah, je vois. Non, tu ne vois rien. J'ai été parfaitement fidèle à John. Je n'ai pas choisi d'ignorer vos manèges pour cacher les biens. Je crois que tu t'es payé ma tête depuis 6 mois. Il ne faut pas te vexer, mon chéri, parce que je t'en retire la joie de savoir que tu m'as trompée. Il n'y a pas de quoi. Je crois que je deviens folle. Ma tête éclate. Une si jolie tête? Tu devrais aller te reposer. Si tu dînes avec les Simpson, je suis sûre que tu tiens à être en beauté. Va, mon chou. Je me demande où est Walter. Chez Cartier, je pense. Tu sais le collier dont tu avais envie et que Walter trouvait trop cher? Il va te l'offrir. Tu crois? Oui. Mais il ne va pas l'accepter avec enthousiasme. N'oublie pas que Walter t'a gravement insulté, qu'il a douté de ta fidélité, de ton amour, et que tu ne peux plus, toi, avoir confiance en lui. Tout ça est tellement vrai. Je n'ai pas à donner de conseils, mais je crois que tu dois refuser de lui adresser la parole tout en ne lui laissant pas placer un mot. Pleure assez pour qu'il ait honte, pas assez pour rougir tes yeux. Répète inlassablement la même chose. Et quand tu l'auras réduit à l'état de pulpe, accepte, en signe de profonde générosité, ce collier qui coûte 10 000 livres au pauvre idiot. Et surtout, ne le remercie pas. Qu'il te remercie, lui, d'être assez bonne pour accepter cette bricole. John, veux-tu descendre avec Fanny et la mettre en taxi? Certainement. Oh non, non, non, non, John. Non, je ne pourrais pas. Après tout, j'ai du tact. Ah bon? Alors, James va t'accompagner. Avec plaisir. Mais revenez, James. Entendu. Quelle leçon, chérie. Merci. Je ne suis pas tellement idiote que je ne puisse apprendre. La prudence, au moins, j'espère. Comment as-tu deviné que Fanny avait dit avoir dîné ici? Elle est trop femme pour inventer un nouveau mensonge quand un vieux peut faire l'affaire. Et si Walter avait insisté pour interroger Bentley? Je savais qu'il n'oserait pas. Seul un gentleman peut se permettre une telle muflerie. Walter est sur la frontière, il ne peut s'offrir ce luxe. T'es malade, John. Il n'est pas mauvais de les faire attendre. Sans doute, mais je n'ai pas l'impression que tu aimerais entendre ce que j'ai à dire à Valérie. Détrompe-toi. Je suis prêt à négliger mon devoir pour entendre de mes propres oreilles les choses fort désagréables que tu as l'intention de proférer sur mon compte. Il lui a fallu de l'héroïsme pour refouler son besoin de parler depuis des mois, John. Je crois vraiment qu'elle a bien gagné de se laisser aller. Si Doris souffre de refoulement, elle se trompe d'adresse. C'est un psychanalyste qu'il lui faut. Je n'ai qu'une chose à dire, et ça ne me gêne nullement de le dire devant John. Valérie, j'ignore pour quelle raison tu as cru devoir sauver cette sale créature. Je suppose que tu as voulu éviter une partie du scandale. Avant de te laisser poursuivre, je veux moi dire ceci. Valérie, je te demande en grâce de ne pas prendre de décision hâtive. Il faut que nous réfléchissions tous et surtout que tu entends d'abord ce que John a à dire pour sa défense. Que diable peut-il avoir à dire? Que diable? Rien de ce qu'il faudrait, sans doute. Les torts sont de mon côté. Je suis prêt à subir les conséquences de ma stupidité. Qui pourrait, je vous le demande, prendre une plus noble attitude? Je suppose que tu vas me faire une scène, Valérie. C'est ton droit et ton privilège. Vas-y, vide ton cœur. Tu n'en diras jamais trop. Je suis un salaud. Une scène? Et à quel propos? Je t'ai abominablement maltraité. J'ai une femme exquise, aimante, fidèle, dévouée à mes intérêts, bonne mère, parfaite maîtresse de maison. En un mot, une épouse 100 fois trop bien pour moi. Si j'avais pour 2 sous de décence, jamais je n'aurais dû me conduire comme je l'ai fait vis-à-vis de toi. Je n'ai pas eu d'excuse. Tu l'as ridiculisé aux yeux de tous ses amis. Je suis le dernier des derniers. Mais même si tu n'avais pas d'amour pour Valérie, tu pourrais au moins avoir du respect. J'ai eu autant de cœur qu'un crocodile, autant de scrupules qu'un bacille de coq. Entre vous deux, il ne me reste pas grand-chose à dire. Il n'y a rien à dire, tu as raison. Ce serait un manque de dignité de faire une scène. John, j'ose espérer qu'il te reste assez d'honneur pour ne pas empêcher Valérie de reprendre sa liberté. Oh, Valérie, tu ne vas pas divorcer. Ah, je t'en prie, mère, à cette faiblesse comme ça. Et comment, je te prie, Valérie pourrait-elle vivre avec un homme qu'elle ne peut plus respecter? N'exagérons rien, John a toujours été un très bon père. Ne sois pas trop dur, chérie. Je comprends très bien que tu sois un peu amère en ce moment, mais je t'en prie, ne laisse pas cette amertume t'aveugler. Amère? Il faut croire que mon visage ment, alors. Je me sens la sérénité même. Il est évident que John a tort. Il a été peu élégant. Mais les hommes sont faibles et les meilleurs amis si peu scrupuleuses. Je suis sûre que John est désespéré de t'avoir fait du mal. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que tu n'es pas bon d'idée, que tu as su que John te trompait. Sincèrement, je n'avais pas l'impression que cela me regardait. Tu es sa femme, non? John et moi avons eu beaucoup de chance. Notre union a été idéale. Mais comment peux-tu dire cela? Mais nous nous sommes adorés pendant 5 ans. C'est beaucoup plus rare que tu ne crois, une lune de miel qui dure 5 années. Et alors, nous avons eu la chance inouïe de cesser de nous aimer au même moment. Comment peux-tu dire cela? Pour ma part, je n'ai pas cessé un seul instant de te chérir. Mais je ne dis pas le contraire. Je suis persuadée que tu me chéris, je te le rends bien. Nous avons les mêmes espoirs, nous aimons à être ensemble, nous rions des mêmes plaisanteries, partageons les mêmes chagrins. Je ne connais pas de couple plus uni par une affection plus sincère. Mais sois honnête. As-tu été amoureux de moi depuis 10 ans? Quand un homme est marié depuis 15 ans... Je ne te demande pas d'excuses, cher John, mais une simple réponse à ma question. Mais que veux-tu que je te dise? Je préfère t'accompagner à tout autre. Avec toi seul, j'ai envie de partager les moments doux, tristes de la vie. Et je continue à te trouver la plus ravissante des créatures. Cela est, cela sera toujours. Oui. Mais ton cœur s'arrête-t-il de battre quand tu entends mes pas dans l'escalier? Et lorsque j'entre dans la pièce, es-tu saisi d'une folle envie de me prendre dans tes bras? Mais nous sommes mariés, que diable! Voilà, tu as répondu à ma question. Tu n'es pas plus amoureux de moi que je ne suis de toi. Mais tu n'en as jamais rien dit? Non, je crois que les couples ont souvent la fâcheuse habitude de trop parler. Mais comment as-tu compris que... Que nous n'étions plus amoureux? Je vais te le dire. Un soir, en dansant avec toi, j'ai eu l'impression que nos pas ne s'accordaient pas aussi parfaitement qu'à l'habitude. Je pensais à autre chose, à essayer sûrement la coiffure de la dame qui passait près de nous. Je t'ai regardée et tu étais en train de te dire, toi, que cette même dame avait de bien jolies jambes. J'ai compris que tu avais cessé d'être amoureux et j'ai respiré, car au même instant, j'ai su que je n'étais plus de mon côté. Je dois avouer que cette idée ne m'est jamais venue à moi. Oh, je sais. Un homme trouve tout naturel de cesser d'aimer une femme, mais il ne pense jamais que la femme de son côté puisse en faire autant. On ne soit pas vexé, chérie. C'est là une des charmantes et touchantes faiblesses de ton sexe. Alors, si je comprends bien, depuis 10 ans, John s'offre une aventure après l'autre et tu ne dis rien. C'est la première fois qu'il se fait prendre. Laissons-lui le bénéfice du doute. John, tu n'es pas fâché avec moi? Fâché? Non. Comment le pourrais-je? Mais le choc est assez rude. Je me sens parfaitement ridicule. Que veux-tu? Il ne m'est jamais venu à l'idée que tes sentiments pour moi avaient changé à ce point. Tu ne peux tout de même pas me demander d'être ravi. Oh non, sois raisonnable, je t'en prie. Ne me dis pas que tu aurais préféré que je me consume d'amour pour toi alors que tu n'avais plus que de l'affection à m'offrir. Tu sais combien une femme que l'on a cessé d'aimer et qui vous aime encore peut être assommante. Mais je n'arrive pas à concevoir que tu puisses être assommante. Mais je t'assure que nous avons bien de la chance. Nous sommes gâtés par le sort. Jamais je n'oublierai les 5 années de bonheur que tu m'as données. Jamais je ne cesserai de t'en remercier. Pas de m'avoir aimé, non? Mais de m'avoir inspiré l'amour que je te portais. Nous avons fait ensemble un merveilleux mot croisé et ensemble, nous avons trouvé le dernier mot la même minute. Voilà pourquoi nous sommes heureux, pourquoi notre mariage est une vraie réussite. Mais tu vas pas me faire croire que ça t'a laissé froid de découvrir la liaison de John. Je ne suis qu'une femme, Doris. Sur le moment, j'ai été vexée. Mais seulement sur le moment. J'ai assez vite compris qu'il serait idiot d'en vouloir à John de donner à une autre ce dont je ne voulais plus moi-même. Et puis à quoi bon avoir de la tendresse pour mon mari si je ne puis supporter de le voir heureux à sa façon? En outre, s'il fallait que John me trompe, c'est bien le faire. Je ne suis pas certain de t'avoir trompé. Il est préférable que son choix ait une amie si intime qu'il me fût simple d'exercer une surveillance maternelle. Vraiment, Valérie? Fanny n'est pas assez fine pour prendre un ascendant quelconque sur lui. Tant que je garde le cœur, je lui abandonne volontiers l'essence. Puisque tu voulais me tromper, John, je n'aurais pu moi-même mieux choisir avec qui l'être. Mais tu étais vraiment trompée. Tu es douée d'une telle pénétration que lorsque tu me regardes, j'ai la sensation d'être nue devant toi. Oh, Valérie, je n'approuve pas du tout ton attitude. Je suis profondément choquée. Je suis surprise que tu n'aies pas le sens de ce qui se fait. Quand elle apprend son infortune, une femme éclate d'abord en sanglots, puis elle sortir chez sa mère et ne consent à prendre la vie au foyer que lorsqu'elle est certaine d'avoir réduit son mari au stade de repentir et d'abjection qui convient. Devons-nous comprendre, Valérie, que tu n'as pas l'intention de divorcer? Tu sais, Doris, que je n'ai jamais très bien compris pourquoi une femme se croit obligée d'abandonner un intérieur charmant, une grande part de ses revenus, la protection d'un homme, ils ont leur utilité. Parce que son mari est infidèle. Je trouve ça le comble de l'absurdité. Oh, je ne trouve plus de mots. Tu étais très stupide, cher John. Pique ça, Valérie. Je le sais. J'ai compris la leçon. Alors, je ne dois pas être un cas désespéré. Tu veux dire que tu prendras mieux tes précautions la prochaine fois? Valérie, John veut dire tout simplement qu'à l'avenir, tu n'auras plus à te plaindre. Je t'en donne ma parole d'honneur. Tu ne peux me donner qu'une chose dont j'ai l'usage. Vois-tu, aussi longtemps que j'ai pu prétendre à l'ignorance, nous pouvions être heureux. Tu prenais ton plaisir et de mon côté, je bénéficiais de la sympathie qu'on offre aux épouses bafouées. À présent, tout est changé. Ma position manque à la fois de dignité et d'élégance. J'en suis tellement désespérée, Valérie. Tu vas le quitter, alors? Non. Tu te souviens, John, de l'offre de Barbara de m'associer dans son affaire? J'avais refusé, j'ai changé d'avis et j'accepte. Mais pourquoi? Je ne vois pas ce que ça change. J'ai plus envie de dépendre de toi. De dépendre? Mais tout ce que j'ai est à toi. Je suis trop heureux, tu le sais, de subvenir à tous tes besoins, même à tes caprices. C'est tellement naturel. Et puis j'aime cela. Je sais, mais le fait demeure. Je me suis montrée raisonnable, je crois. Ne m'empêche pas, toi, de faire quelque chose qui me tient maintenant à cœur. Je ne comprends pas. Mais que puis-je dire, sinon, fais ce que tu veux. Merci, John. Et maintenant, ne crois-tu pas qu'il serait temps de retourner à tes malades, à moins que je ne me voie forcée de t'entretenir aussi? J'y cours. Je peux t'embrasser? Pourquoi pas? C'est la paix entre nous, chérie. La paix et l'harmonie. Il est charmant. Pas à mon avis. Qu'est-ce que tu complotes, Valérie? Moi, mère? Qu'est-ce que tu crains? Je n'aime pas ton expression. Je me suis laissée dire pourtant que je n'étais pas laide. Toi, tu as un plan. Mais j'avoue, je ne devine pas lequel. Je me demande ce que tu espères tirer de ton association avec Barbara. 1 500 livres par an. Mais je ne parle pas de l'argent, tu le sais. Je suis lasse d'être une épouse moderne. Qu'appelles-tu une épouse moderne? Une prostituée qui omet de livrer la marchandise. Oh, vraiment, Valérie, qu'aurait dit ton père? Oh, est-il bien utile de nous demander ce qu'aurait dit un gentleman qui est mort depuis 25 ans? Avait-il de la répartie? Aucune. Il était bon, mais stupide. C'est pourquoi j'imagine les dieux l'aimaient et l'ont rappelé tout jeune là-haut. Puis-je entrer? Oh, James! Je me demandais ce qui avait bien pu vous arriver. Eh bien, mère, je ne t'en tiens pas davantage. Je sais que Doris et toi avez 1000 choses à faire. Tu es trop mignonne de me le rappeler. Allons, Doris, au revoir, chérie. Au revoir, Sir James. Bye bye, Doris, et merci de ta sympathie. C'est précieux dans les heures difficiles. Mais il faut bien que je l'avoue, je continue à ne pas comprendre. Que ça ne t'empêche surtout pas de dormir, mon chou. Sommes-nous très très en retard, James? Tellement que ça n'a plus d'importance. Mais ce que j'ai à vous dire est important. Important pour moi ou pour vous? Je ne saurais vous dire combien cette terrible scène m'a bouleversé. Oh, James, il y a eu des moments très gais, je trouve. Je n'ai moi-même été mise au courant que cet après-midi, mais j'étais loin de soupçonner que vous saviez. Vous êtes très, très brave, Valérie. Vous êtes très, très gentil. Quand je pense à tout ce que vous avez enduré... Il est imprudent de prendre trop à cœur les soucis des autres, James. Si les choses étaient ce que je croyais entre John et vous, rien, vous le savez, ne me ferait sortir de ma réserve. Mais à présent, John n'a plus aucun droit. Il ne vous aime pas. Vous n'allez pas continuer à perdre votre jeunesse avec un homme qui vous a humilié. Vous connaissez l'ampleur et la constance de mon amour. Je donnerai avec joie ma vie pour vous faire oublier. Voulez-vous m'épouser, Valérie? John a peut-être des torts, mais il est toujours mon mari. Légalement, oui. Vous avez tout fait pour éviter le scandale, mais si vous le lui demandez, John ne peut pas vous refuser le divorce. Vous trouvez vraiment qu'il s'est très mal conduit? Vous n'avez pas de doute, j'imagine, sur la nature de ses relations avec Fanny? Pas le moindre. Alors que voulez-vous dire? Avez-vous jamais réfléchi, cher James, à ce qu'est le mariage dans notre monde? Le personnel fait marcher la maison, l'honneur s'élève les enfants, si l'épouse a consenti à en avoir. Et dès qu'ils sont en âge, on les expédie en pension. Soyons lucides. Une épouse n'est rien moins qu'une maîtresse qui, jouant sur le désir de l'homme, a exigé une petite cérémonie qui interdit à celui-ci de rompre quand son désir meurt. Je ne suis pas du tout de votre avis. Une femme est aussi la compagne, l'associée. Oui, vous êtes amoureux, donc incapable de juger sainement. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. John me loge et me nourrit plutôt bien. Il m'habille, paye mes fantaisies, mes vacances, ma voiture et me procure en amour une position fort enviable dans le monde. Tout cela, il est obligé de le faire parce qu'il y a 15 ans, il est tombé follement amoureux de moi. Vous ne trouvez pas que ce serait assez laid de ma part de tirer avantage aujourd'hui de sa générosité ou de son manque de prévoyance? Comment l'entendez-vous? Mais il a payé très cher quelque chose dont il avait envie. L'envie lui a passé. Pourquoi lui en voudrais-je? Le désir est chose précaire, il vous quitte comme il vous est venu, sans raison. Et les humains n'ont jamais pu expliquer pourquoi. La seule chose certaine, c'est que lorsqu'il est mort, le désir est bien mort. Tout cela est très joli pour l'homme, mais que faites-vous de la femme? Oh, ne vous en faites pas trop pour elle. Quand après 15 ans de mariage, une femme découvre son malheur, c'est moins son amour que son amour propre qui est blessé. Avec 2 sous de bon sens, les femmes accepteraient cela comme un des petits inconvénients d'une profession, par ailleurs fort agréable. Oui. Conclusion. Vous ne m'aimez pas. Vous ne croyez pas à la sincérité de ce que je viens de dire? Je ne sais qu'une chose, c'est que si vous m'aimiez comme je vous aime, tout cela cesserait de vous sembler important. Vous aimez encore John? Je l'aime énormément, nous nous entendons à merveille, il me fait beaucoup rire. Je ne suis plus amoureuse. Et cela vous suffit? L'avenir ne vous apparaît pas un peu désolé? Ne voulez-vous plus l'amour? Si je le voulais, c'est à vous que je le demanderais. Valérie. Non, James, pas si vite. Mais si vous m'aimez... Oh, je n'ai jamais rien dit de tel. Même si cela était, je ne tromperai pas John tant qu'il pourvoira à mon confort. C'est, vous le voyez, une question économique. Vous ne voulez pas me laisser d'espoir? Votre seul espoir pour le moment est de m'emmener à Wimbledon avant que le dernier match soit terminé. Vous voulez toujours y aller? Oui. Très bien. Mais vous n'y pouvez rien, Valérie. Je vous adore. Alors descendez, démarrez la voiture, je vous suis. Allô, Barbara? Valérie. Dis-moi, mon chou, cette offre que tu m'as faite tient toujours? Oui. Non, non, rien n'est arrivé. John, mais il va très bien. Non, simplement j'ai idée que cela m'amuserait de gagner ma vie. Quand puis-je commencer? Le plus tôt sera le mieux. Troisième acte. Un an après, l'après-midi, Valérie est assise à son bureau. Bentley entre. Mrs. Simpson et Miss Bennett. Asseyez-vous, je termine ce mot. Vous permettez, mes shoots? Nous nous sommes rencontrés à la pomme. Je suis venue voir si je pouvais faire quoi que ce soit pour toi avant ton départ, chérie. Tu es trop gentille, mais je suis fin prête. Les valises sont bouclées et pour une fois, je ne crois pas avoir oublié une seule chose inutile. Moi, je viens en courant te souhaiter bon voyage. Et voilà. Je n'ai pas le dos tourné que mon associé néglige déjà les affaires. Pas réellement? On vient de nous passer une grosse commande. Une maison de 12 pièces à installer. Les clients veulent une chambre florentine. Barbara, tes yeux innocents ne me disent rien qui vaille. Écoute, Valérie, puisque tu vas en Italie, j'ai pensé que tu pourrais trouver des choses intéressantes. Mais c'est bien ce que je disais. Désolée, Barbara, mais voilà une année que je travaille comme une forcenée. J'ai déposé les outils hier à 6 heures et c'est définitif. Tu m'as dit de prendre 6 semaines de vacances, je les prends. J'admets que tu les as bien gagnées. Je travaille dur et avec plaisir, mais je compte maintenant m'amuser dur. Il en sera comme tu voudras. C'est ainsi que je l'entends, madame mon associée. Valérie, je crois qu'il y a quelque chose que tu devrais savoir. Je pense t'avoir démontré que je sais en général les choses que je devrais savoir. Tu ne devineras jamais qui j'ai aperçu dans Piccadilly ce matin. Mais si, Fanny. Ah, navrée de te couper l'herbe sous les pieds, mais elle m'a téléphoné il y a une heure. Je croyais qu'elle ne rentrait que dans un mois. Elle était partie pour un an, non? Elle est arrivée hier soir et je l'attends d'une minute à l'autre. Ici? Oui, elle a insisté pour me voir avant mon départ. Je me demande ce qu'elle veut encore, celle-là. Passer le temps, peut-être. En tout cas, c'est gentil à elle quand on pense aux mille choses qui vous attendent après une si longue absence. Elle a fait un merveilleux voyage. Malacca, Walter y a des intérêts, puis la Chine... Et maintenant, ils arrivent des Indes. Je me suis toujours demandé si c'est sur ta pression qu'ils avaient décidé de faire ce voyage, juste après l'horrible scène. Dont personne, il faut bien le dire, n'a tiré autant de plaisir que toi, chérie. Tu sais ce que tu as à faire. Pourtant, je me demande si c'est bien le moment pour toi de partir juste quand Fanny revient. Nous autres femmes d'affaires prenons des vacances quand nous pouvons. Puis sans aucun doute, John a compris la leçon. Il ne va pas s'amuser à être idiot une seconde fois. Tu crois qu'il a vraiment oublié Fanny? Je n'en sais rien du tout. Mais tu peux lui poser la question toi-même. Quelle question? Oh, je me demandais ce que tu allais faire pendant l'absence de Valérie. J'ai beaucoup de travail, tu sais. Et je compte aussi sur les amis pour ne pas m'abandonner. Dommage que vous n'ayez pas pu faire coïncider vos vacances. Je n'étais pas coupable. J'étais prêt à faire l'impossible pour me rendre libre. Moi, je veux aller en Italie. Or, les seuls endroits qu'aime John sur le continent sont ceux qui requièrent un grand effort d'imagination pour savoir qu'on n'est pas en Angleterre. Et ta fille? Nous avons finalement loué cette maison sur la Tamise pour le mois d'août. John pourra jouer au golf, faire du bateau, et moi je viendrai facilement à Londres pour mes affaires. Tu vois, tu n'arriveras pas à trouver l'ombre d'une raison de t'inquiéter, chère Doris. Valérie, ma chérie, je me sauve. Profite bien de tes vacances et reviens en pleine forme. Mon cher John, j'ai eu un trait de génie le jour où j'ai demandé à Valérie de venir m'aider. Elle est sensationnelle. J'étais contre et je l'avoue, je n'ai pas changé. Vous ne m'avez toujours pas pardonné? Là n'est pas la question. J'ai bien été forcé de laisser Valérie agir comme elle l'entendait. Je n'avais pas le choix. Au revoir, chère Valérie. Au revoir, ne te fatigue pas trop. Je pars aussi. Attends-moi, Barbara. Valérie, mère passera t'embrasser. Au revoir, Doris. Valérie. Mais dis-moi, Valérie, j'avais cru comprendre que tu étais obligée de prendre tes vacances maintenant à cause de Barbara. J'ai dit ça? Mais oui. Ah. Si j'avais pu penser que tu pouvais aussi bien t'absenter au même moment que moi... Tu ne crois pas que c'est une erreur pour un couple de prendre ses vacances ensemble? Les vacances sont faites pour le repos, la récréation, le changement. Je doute qu'un mari trouve ses délassements auprès de sa femme. Cela dépend de la femme. Je ne connais rien de déprimant comme ces couples que l'on voit dans les hôtels assis sagement à leur petite table et qui n'ont pas un mot à se dire. Ridicule, on voit souvent des couples parfaitement gais, oui, plein d'entrain. Oui, je sais, mais si on regarde de près, on s'aperçoit alors que l'alliance de la dame ferait un très joli anneau de rideau. De toute façon, il est trop tard, mes valises sont faites ainsi que mes adieux, et rien n'est plus assommant pour les amis que de revoir le lendemain un visage qu'ils avaient accepté d'oublier pour un mois. Deux mots. Valérie, je voudrais te dire quelque chose. Oui. Tu sais que Fanny est rentrée. Oui, elle va passer me dire au revoir, c'est gentil à elle. J'aurais que tu fasses quelque chose pour moi. Quoi donc? Je n'ai pas vu Fanny depuis le jour où Walter s'est couvert de ridicule, il y a presque un an de cela. Et tout bien pesé, je crois que ce serait une erreur de reprendre les relations. Qu'est-ce qui te fait croire qu'elle le désire? Le fait qu'elle t'appelle dès son retour ne me dit rien qui vaille. Non! Oh, tu sais, tant de femmes ne peuvent voir un téléphone sans décrocher. C'est une manière de réflexe. Alors, quand on a décroché, on fait un numéro, par habitude. Il n'est pas étonnant que le nôtre soit venu tout naturellement à l'esprit de Fanny. Faut voir les choses comme elles sont. Fanny était folle de moi. Ce n'est ni à toi ni à moi de l'en blâmer. Je ne veux pas être inutilement dur, mais les circonstances ayant amené une rupture, il me paraît souhaitable qu'elle soit définitive. Il en sera selon ton désir. Ce n'est pas à moi que je pense, Valérie. Je songe d'une part au bien de Fanny et surtout, surtout à toi. Je ne pourrais plus te regarder en face si tout n'était pas définitivement terminé entre Fanny et moi. Cela m'ennuie beaucoup de te priver d'un plaisir aussi peu dangereux qu'il est peu coûteux. Tu veux-tu, j'estime que lorsqu'on a pris une décision, il faut savoir s'y tenir jusqu'au bout. Tu as parfaitement raison. Dès que Fanny arrivera, je vous laisserai seule. Oui. C'est que ce n'est pas exactement comme ça que je voyais les choses. Ah? Ces histoires-là, tu le sais, sont tellement plus faciles pour les femmes. Il me semble que, venant de toi, elles le prendraient mieux. Tu crois? Eh bien, oui. Je me trouve, moi, dans une position terriblement fausse. Alors que tu peux très bien lui dire que tu dois à ta dignité d'exiger l'oubli. Qu'elle ne te pousse pas à faire du scandale, enfin... Mais tu sais combien j'ai le cœur tendre. Suppose qu'elle éclate en sanglots, qu'elle m'avoue ne pouvoir vivre sans toi. Je me connais, je lui dirais garde-le. Tu ne me jouerais pas ça le tour. Tu le sais, John, ton bonheur est la plus chère de mes préoccupations. Je vais être très franc, Valérie. J'en ai par-dessus la tête de Fanny. Que le disais-tu? Sois sport, veux-tu? Tu sais très bien que c'est le genre de choses qu'un homme peut difficilement annoncer à une femme. J'admets en effet que ça leur fait rarement plaisir. Mais oui, les femmes sont drôles. Quand elles en ont assez d'un homme, elles lui déclarent tout net, et tant pis si ça ne lui plaît pas. Mais quand un homme use du même procédé, il devient aussitôt une brute, un lâche, un triste individu qu'il faudrait au minimum écorcher vif. Entendu, mon chéri, laisse-moi faire. Tu es un ange. Mais ne sois pas trop dur, hein. Pour rien au monde, je ne voudrais faire du mal à Fanny. C'est un petit cœur sensible. Très. Elle n'a pas de chance, pauvre petite. Non, elle n'a pas de chance. Je ne voudrais pas qu'elle me tienne rigueur. Non, bien sûr. D'un autre côté, assure-toi qu'elle a bien compris que c'est définitif. Fais-moi confiance, je vais arranger ça. Tu es merveilleuse. Comment rêver d'une épouse plus admirable? Mrs. Bird. Chérie, chérie, que c'est merveilleux de te retrouver. Tu es en pleine forme, ma chérie. Ce sont les nouvelles perles. Jolie, hein? Et si tu voyais la parure d'émeraude que Walter m'a offerte aux Indes? Oh, bonjour, John, comment va? Très bien, merci, Fanny. Je suis tellement ravie, Valérie, de te voir avant ton départ. J'aurais eu de la peine de te manquer. Où allez-vous? Valérie part seule. Ah oui, monsieur merveilleux. J'imagine qu'il vous est difficile de vous échapper en ce moment. Êtes-vous en train de devenir milliardaire? Il n'y a pas à se plaindre. Si vous voulez bien m'excuser, Fanny, je vais prendre congé. Je suis attendu. Mais certainement, toujours bousculé, cette jeune. Enfin, j'espère qu'on vous verra un peu durant l'absence de Valérie. Vous êtes très gentil. Walter a pas mal amélioré sa performance au golf. Il sera enchanté de jouer avec vous. Voilà une très bonne idée. Excusez-moi, mes clients sont en train de s'impatienter. Ouf! C'est toi que je voulais voir, mon chou. J'ai tellement de choses à te raconter. John est gentil de nous laisser seuls. D'abord, sache que tu avais raison et que tout a tourné au mieux. Quelle chance que j'ai suivi ton conseil et demandé à Walter de m'emmener. Walter n'a pas été bête. Non, pour un homme, il est même assez intelligent. Je l'ai véritablement descendu en flamme, après quoi il s'est traîné à mes genoux. Parfait, parfait. Et c'est à toi que je dois tout cela, chérie. Walter t'a choisi un ravissant saphir, 120 livres, et nous allons le faire monter par quartier. Comme je l'ai dit à Walter, c'est bien le moins qu'il te fasse ses excuses. Vous êtes des amours. Oh, je ne suis pas une ingrate, en tout cas. Et maintenant, Valérie, je veux que tu saches que tu ne dois pas avoir l'ombre d'une inquiétude en ce qui concerne mon histoire avec John. Mais je n'en ai jamais eu. Je n'ai pas été très bien à ton égard, il faut l'avouer. Seulement, vois-tu, je n'ai jamais imaginé que nous puissions être découverts. Si je l'avais craint, tu me connais, rien au monde ne m'aurait fait céder à John. Je suis comme ça. C'est gentil à toi. Valérie, tu veux faire quelque chose pour moi? Toujours ravie d'aider les amis, tu sais bien. Tu connais John, il est adorable, charmant, mais tout est fini et mieux vaut qu'il s'en rende compte. Fini. Je me rends bien compte qu'il est toujours follement amoureux de moi. Il n'y avait qu'à le regarder quand je suis entrée. On ne peut guère lui en vouloir, le pauvre. Les hommes te trouvent très séduisante, c'est un fait. Seulement, il faut bien de temps en temps penser à soi. John doit comprendre que les choses ne pourront jamais être les mêmes à présent que nous savons que tu sais. Je voulais cacher tant que j'ai pu. Pour rien au monde, je ne voudrais peiner John. Mais ma décision est prise. Il faut en finir une fois pour tout avant ton départ. C'est tellement soudain, j'ai peur que ce soit un terrible choc pour John. Rien ne me fera changer d'avis. Le temps nous manque pour une vraie scène d'adieu, mais si tu crois pouvoir t'en tirer en 10 minutes, je vais voir si John est encore là. Oh, mais je n'ai pas l'intention de le voir. Je pensais que tu lui parlerais. Moi? Tu le connais si bien, tu sauras trouver les mots qu'il faut dire. Ce n'est pas commode, tu sais, de dire à un homme qui vous adore qu'on ne l'aime plus comme ça. C'est tellement plus facile pour une tierce personne. Tu crois? J'en suis sûre. Mais suppose qu'il insiste pour te voir. Non, je refuse. Non, je ne veux pas le voir. Je risquerais de pleurer, j'aurais les yeux rouges. Fais-le pour moi, chérie, je t'en prie. Entendu, je m'en charge. Et maintenant, dis-moi la vraie raison pour laquelle tu es si pressée de te débarrasser de John. Tu jures de garder ça pour toi? Sur l'honneur. Il y avait un jeune garçon à bord, je ne te dis que ça. Divin! Il n'y a pas d'autre mot. C'est l'aide de camp de je ne sais plus quel gouverneur et il est fou de moi. Et toi de lui, bien entendu. C'est bien simple, je l'adore. Je me demande ce qui va arriver. Oh, je ne crois pas que tu te le demandes longtemps. Oh, Valérie, c'est affreux d'avoir un tempérament comme le mien. Tu ne peux pas comprendre, toi, tu es froide. Tu es un petit animal assez peu estimable, Fanny. Valérie, comment peux-tu me dire une chose pareille? Tu es d'une cruauté, et moi qui croyais que tu m'aimais. Mais tu as raison. Tu es menteuse, immorale, fabriquée, sans scrupules. Tu es un parasite, mais un petit parasite charmant que j'aime bien. Comment peux-tu m'aimer si tu penses de moi des choses aussi horribles? Mais je peux, tu as très bon caractère, tu es plutôt généreuse, il t'arrive d'être drôle à l'occasion. Enfin, tu m'amuses. Je crois même que j'ai de l'affection pour toi. Je ne crois pas un mot de ce que tu viens de dire. Tu sais comme je t'aime aussi, Valérie. Mais vois-tu, Fanny, je prends les gens comme ils sont. Je te conseille d'ailleurs qu'il n'est pas exclu que dans 20 ans d'ici, tu sois devenu un prix de vertu. Ah, oh, je savais bien que tout ça n'était pas sérieux. Que tu aimes à plaisanter. Et maintenant, sauve-toi, Fanny. Et moi, j'annonce la nouvelle à John. Au revoir, Sue. Sois douce avec lui. Après tout, nous n'avons pas de raison de ne pas l'épargner autant que possible. Tu ne trouves pas? Je me suis souvent demandé pourquoi, belle comme tu l'es, tu n'avais pas plus de succès avec les hommes. Maintenant, j'ai compris. Dis. Tu es une humoriste et les hommes détestent ça. Au revoir, mon chou. Elle est partie. Entre, mon chéri. Tout va pour le mieux. Pas trop déballé. Ça lui a porté un coup, évidemment, mais elle a montré du cran. Elle a pleuré? Non, pas exactement. À te dire, je crois que le choc l'a changé en statut de sel. Il lui a coupé la parole, tu vois ça? Mais attends qu'elle rentre chez elle et comprenne l'étendue de son malheur. Elle va fondre en larmes. Je déteste voir pleurer une femme. Oui, ça fait mal, mais c'est terriblement bon pour les nerfs. Est-ce que tu peux être détachée, Valérie? Moi, je t'avoue, j'ai mal à l'aise. Je crois qu'elle me prête pour une brute. Oh, je crois qu'elle a très bien compris que tu rompais à cause de moi. Mais elle sait que tu lui me rattachais. Elle a bien compris que c'était définitif. Elle a compris. Je te suis très reconnaissant, Valérie. Il n'y a pas de quoi, mon chou, à ton service. En tout cas, je suis ravi que tu puisses partir le cœur léger, sans la moindre arrière-pensée. À propos, tu veux de l'argent? Combien? Je te fais un chèque tout de suite. Non, merci, j'ai gagné 1400 livres cette année. Fiche, mais c'est énorme. J'en apporte 200 pour mes vacances, j'en ai dépensé 200 pour mes robes, et le reste, je l'ai mis ce matin à ta banque pour ma pension des 12 mois écoulés. Tu plaisantes, je suppose. Mais je suis très sérieuse. Tu ne m'aimes plus? Quel rapport? Tu crois qu'une femme ne peut aimer qu'un homme qui l'entretient? N'est-ce pas faire bon marché de tes attraits? Que fais-tu de ton charme, de ton humour? Cesse de plaisanter, veux-tu? J'ai plus que les moyens de subvenir à tes besoins et même à tes caprices. M'offrir 1000 livres pour ta pension n'est ni plus ni moins qu'une insulte. Tu ne crois pas que c'est le genre d'insulte auquel tu t'habitueras? On peut faire bien des choses amusantes avec 1000 livres. Quand tu es devenue folle. J'ai jamais approuvé ta décision. J'ai toujours estimé que tu avais bien assez à faire à tenir ta maison. L'as-tu trouvé moins bienvenue depuis un an? Mais non, je peux pas dire cela. Enfin, tu voulais travailler, j'ai cédé. Mais à te dire vrai, je comprenais dans un sens que cette occupation t'amusa. Mais bon Dieu, j'ai jamais songé en tirer profit. Non, je suis sûre. J'ai parfois pensé que tout ça était arrivé à cause de Fanny. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi je ne t'ai fait aucune scène en découvrant la vérité? Je me suis posé la question, évidemment. Et j'ai attribué ton attitude à ta générosité naturelle. Quelle erreur. J'estimais simplement n'avoir aucun droit à te faire des reproches. Mais que veux-tu dire? Mais tu avais tous les droits, au contraire. Mais pas du tout. Tu avais cessé de me désirer. Cela étant, à quoi dire m'étais-je bonne? Oh, tu as pu constater depuis que je travaille qu'on a guère besoin de moi pour faire marcher la maison. Tu es la mère de mon enfant. Oh, il ne faudrait pas exagérer l'importance de ce petit détail, John. Non, vois-tu, je suis ton obligée pour ne m'avoir jamais fait sentir que je n'étais plus dans ta vie qu'un ornement coûteux et parfois gênant. C'était pas ainsi que je pense à toi, Valérie. Enfin, ne crois-tu pas qu'un homme puisse être reconnaissant à une femme de l'amour qu'elle a su lui inspirer? Je pense, oui, que cela ne déplaît pas aux hommes d'être reconnaissants tant que cela ne leur coûte aucun sacrifice. C'est vraiment une curieuse façon de voir les choses. Mais de toute évidence, je ne saurais me plaindre. Ceci posé, bien avant l'incident avec Walter, tu étais au courant. Alors, ce qui m'échappe, c'est ta détermination soudaine de travailler. Eh bien, il m'est venu à l'idée que j'aimerais bien me trouver dans la position de pouvoir, si le désir m'en prenait, te dire avec calme, courtoisie mais fermeté, d'aller au diable. Et tu es dans cette position? Précisément. Vois-tu, John, Il n'est qu'une liberté importante, la liberté pécuniaire. Je l'ai, et je l'avoue, c'est la plus admirable sensation que j'ai goûtée depuis ma première glace à la fraise. Et je t'avoue, moi, que j'eusse 20 fois préféré les selles, les reproches dont m'aurait accablé une femme normale, à cette espèce de rancœur que tu nourris contre moi depuis des mois. De la rancœur, darling, mais tu es fou. Dans mon cœur, il n'y a pour toi de tendresse. Tu prétends avoir fait tout ça sans la moindre intention de m'humilier ? Mais sur l'honneur, tu ne me crois pas ? C'est curieusement aussi. Tu es une femme remarquable, Valérie. Je le sais, mais ne le dis à personne. Ça me ferait une sale réputation. Je ne sais pas ce que je donnerais pour pouvoir m'échapper. J'aime pas l'idée de te voir partir seule. Mais je ne pars pas seule. Je ne te l'ai pas dit. Non. Oh, j'aurais oublié. Je pars avec James. Ah ? Et qui d'autre ? Mais personne d'autre. James suffit. Ah ? Et cela ne te semble pas un peu bizarre ? Non, pourquoi ? Je sais pas. À ma connaissance, il n'est pas d'usage pour une jeune femme de partir pour 6 semaines avec un monsieur que l'on peut difficilement prendre pour son père. En effet, Jane, ça a exactement ton âge. Tu ne crains pas de faire parler les gens ? Je ne me souviens pas avoir fait passer une annonce. Et voyons que je réfléchisse. Oui, tu es le seul à être au courant. Et je pense pouvoir compter sur ta discrétion. Tu peux difficilement éviter de faire des rencontres. Mais les potins, ils ont leur train. Cela me surprendrait. Nous partons en voiture et nous avons l'un et l'autre horreur des hôtels mandats. Bien entendu, je ne suis pas, moi, assez stupide pour, sachant qu'un homme et une femme voyagent ensemble, imaginer le pire, non. Mais tu avoueras que s'il ne me vient pas à l'idée, à moi, qu'il puisse y avoir quoi que ce soit entre vous, on peut difficilement demander autant au commun des mortels. Cela confirme l'opinion que j'ai que le commun des mortels a plus de bon sens que les gens supérieurs ne lui en accordent. Que diable veux-tu dire ? Mais qu'il n'est pas question pour James et moi de voyager en camarade, bien sûr. Cesse d'être stupide, Valérie. C'est pas ce que tu dis. Je t'assure que tu n'es même pas drôle. Mais pour qui nous prends-tu, mon pauvre chou ? Ai-je si peu de séduction, vraiment, que cela te paraisse impossible ? Pour quelle autre raison aurais-je choisi de partir avec James ? Pour ne pas être seule ? Dans ce cas, je serais partie avec une amie, voyons. Sans doute suis-je complètement idiot, mais je n'arrive pas à comprendre un mot de ce que tu dis. Est-ce que par hasard tu insinues que James est ton amant ? Certainement pas. Alors de grâce, qu'est-ce que tu racontes ? Je puis difficilement être plus claire. Je pars en vacances pour 6 semaines et James a gentiment offert de m'accompagner. Et moi, là-dedans, qu'est-ce que je fais ? Strictement rien. Enfin, si ! Tu restes à la maison et tu soignes les malades. Je me flatte d'être un homme raisonnable. N'importe quel mari à ma place hurlerait, te battrait ou casserait les meubles. Je n'ai pas l'intention de faire du mélodrame. Mais tu admettras que je sois surpris. Sur le moment, oui, bien sûr. Mais dès que tu te seras familiarisé avec l'idée, tu verras comme tout sera simple. Je doute d'en avoir le temps. Même te rien cacher, je me sens sur le point d'avoir une crise d'apoplexie. Alors défais ton col. Et qu'est-ce qui te fait croire que je vais te permettre de partir ? Simplement le fait que tu ne peux pas m'en empêcher. Non. N'arrive pas à croire que tu penses à ce que tu dis. Mais qu'est-ce qui avait pu te fourrer une pareille idée dans la tête à la fin ? J'ai pensé que j'avais besoin d'un changement. Un changement ? Mais tu crois que je vais me croiser les bras pendant qu'un autre me souffle ma femme sous le nez ? Mais le moment de lui serrer la main, lui souhaiter bonne chance tant que tu y es. Mais je te le demande. Il viendra dans un instant te dire au revoir. Parfait. Je vais l'envoyer mordre la poussière. Oh, à ta place, je ne m'y frotterai pas. Il a une bouche terrible. Je vais me faire une joie de lui dire ce que je pense exactement de lui. Pourquoi ? Oublie-tu que j'ai toujours été charmante pour Fanny ? Elle était ma meilleure amie et ne choisissait jamais un chapeau sans moi. Il t'aime ? Follement. Tu ne le savais pas ? Comment l'aurais-je su ? Ben, on l'a beaucoup vu ici depuis un an. Imaginais-tu qu'il venait seulement pour te voir ? Bon, j'avais fait attention à lui. Il n'a toujours pas rien signifiant. Il l'est autant qu'il est charmant. Qu'est-ce qu'un homme qui accepte l'hospitalité d'un mari boit son vin tout en faisant la cour à sa femme ? Je te le demande. Un homme très dans ton genre, mon chéri. Mrs. Bennett. Tu es un ange, mère. J'avais tellement envie de t'embrasser avant de partir. John est de mauvaise humeur. Quelle plaisanterie. John n'est jamais de mauvaise humeur. Je m'excuse de vous contredire, mais je suis d'une humeur de chien. Il y a de quoi. Êtes-vous la complice de Valérie dans l'exécution de ses plans charmants ? Mais elle n'est pas au courant. Dans ce cas, faites quelque chose. Vous avez une influence sur votre fille. N'allez pas la laisser faire une chose monstrueuse. Mais de quoi diable parlez-vous, John ? Elle part avec James Anderson, seule. Ce n'est pas vrai. D'abord, comment le savez-vous ? Elle vient de m'annoncer cette bonne nouvelle, comme ça, plus naturellement du monde, au cours d'une conversation, comme elle aurait dit. Et il faudra envoyer ce costume au teinturier, mon chou. Valérie, est-ce vrai ? Bien sûr, mère. Et moi qui croyais que tout allait bien, vous étiez très heureux tous les deux. Mais moi aussi, je le croyais. J'avais l'ombre d'une querelle. La vie était charmante. Tu n'aimes plus ton mari, ma chérie ? Je l'aime énormément. Comment peux-tu aimer énormément un homme auquel tu vas faire subir la plus grave humiliation qu'une femme puisse infliger à un mari ? Oh, ne sois pas stupide, John. Je ne vais rien te faire que tu ne m'aies fait il y a un an. Tu veux simplement me donner la monnaie de ma pièce, c'est cela ? Mais rien n'est plus loin de ma pensée. Les circonstances sont très différentes. Voyons, Valérie. John a eu tort de te tromper, mais il est désolé, il a été bien puni. Nous savons toutes que ce genre de choses n'affecte en rien un homme. Il peut être infidèle et demeurer digne de confiance, honorable en amour lui-même. Il n'en va pas ainsi des femmes. Non, certes, lorsqu'elles donnent quelque chose qui ne leur appartient pas. Mais pour moi, je ne dépends plus de John. Et avec la liberté pécuniaire que je me suis offerte, je réclame ma liberté sexuelle. Cet après-midi, j'ai déposé 1000 livres au compte de John pour y avoir droit, d'ailleurs. Mais je refuse d'y toucher, je te l'ai déjà dit. Comme il te plaira, pour moi, j'ai payé. Je ne vois pas de raison de perdre votre sang-froid, mes enfants. Je n'ai jamais été aussi calme, mère. Tu aimes, James? Bah, dirais-je, je n'ai pas d'opinion. Comment sait-on que l'on est amoureuse? Je ne connais qu'une épreuve, mais elle est infaillible. Te servirais-tu de sa brosse à dents? Non. Alors, tu ne l'aimes pas. Il y a dans sa dévotion quelque chose qui me chatouille délicieusement le cœur. Vois-tu, j'aimerais lui montrer que j'apprécie cette dévotion. Dans 6 semaines, il repart vers la Chine pour 7 ans. J'ai 36 ans et il m'adore. Dans 7 ans, j'en aurai 43. Une femme de 43 ans peut être charmante, mais il n'est pas tellement courant qu'un homme de 55 ans soit fou d'elle. Alors j'ai décidé que c'était maintenant ou jamais. Et voilà. Sir James Anderson est là, madame. Priez-le de monter, Bentley. Très bien, madame. Tu as l'intention que je le reçoive, comme si de rien n'était? Ce serait plus simple. Valérie, ne puis-je rien pour te faire changer d'avis? Rien. Réfléchis. Rien, mais... Dans ce cas, je préfère me sauver. Au revoir, mais... Je t'enverrai les tas de cartes postales. Je n'approuve pas ta conduite, Valérie. Il faut que tu le saches. Sir James Anderson. Bonjour, James. Et au revoir. Je me sauvais. Vous m'envoyez navré. Au revoir, Mrs. Bennett. Bentley. Oui, madame. Descendez mes valises et mettez-les dans un taxi, voulez-vous? Tout de suite, madame. J'arrive juste à temps, je vois. J'aurais été navré de vous manquer, Valérie. Et prévenez-moi quand le taxi sera là. Très bien, madame. À présent, je suis à vous, Sir James. Heureuse de partir en vacances? Merveilleusement. C'est la première fois que je me lance dans une telle aventure, j'en suis ravie. Vous partez seule, n'est-ce pas? Toute seule. Quelle malchance que vous ne puissiez pas venir, mon vieux John. Ah, voilà, c'est le prix de la gloire. Alors, je comprends que vous ne puissiez abandonner vos malades. De toute façon, John n'aime pas l'Italie. L'Italie? Je croyais que vous alliez en Espagne. Elle a toujours dit l'Italie. Oui, je n'ai guère un pays pour vous. Encore que le golf y soit très agréable, m'attendez. Ah oui? J'imagine qu'il y a peu de chances pour que vous soyez aux environs de Gênes fin juillet, Valérie. Mes plans sont assez vagues. Je vous pose la question parce que je m'embarque à Gênes. Ça aurait été amusant de s'y retrouver. Très amusant. J'espère que vous verrez beaucoup de jeunes pendant mon absence. Je crains qu'il ne s'ennuie un peu, le pauvre chou. Pourquoi ne dîneriez-vous pas ensemble la semaine prochaine? C'eût été avec joie, mais je pars aussi. Vraiment? Je croyais que vous restiez à Londres jusqu'à votre embarquement. C'était mon intention, mais le docteur m'envoie faire une cure. Quelle cure? Oh, une cure toute simple, vous voyez ça, il prétend que j'en ai besoin. Vraiment? Quel est votre docteur? Un noble inconnu, un camarade de guerre. Je vois. Alors voilà, c'est vraiment adieu que je suis venu vous dire. Au fond, je suis furieux de ne pas demeurer à Londres jusqu'au dernier moment, d'autant que je ne reviendrai pas d'ici des années. D'un autre côté, je trouve absurde de ne pas suivre les conseils d'un médecin quand on les a sollicités. Et payer 5 livres sterling. Eh bien, moi, je suis très déçue. Je comptais sur vous pour empêcher John de faire des bêtises durant mon absence. Je n'aurais pu vous donner aucune garantie, mais en tout cas, nous aurions pu voir ensemble quelques pièces et perdre quelques balles de golf. Ça aurait été merveilleux, n'est-ce pas, chérie? Merveilleux. Le taxi attend, madame. Merci, Bentley. Eh bien, je me sauve. Oh, vous allez beaucoup nous manquer, James. John était si heureux de savoir que vous me teniez compagnie quand il avait des urgences. N'est-ce pas, Darling? Oui, Darling. Je suis ravi d'avoir pu être bon à quelque chose. Ne m'oubliez pas tout à fait, voulez-vous? Vous oubliez, mais nous ne pourrions pas. N'est-ce pas, Darling? Non, Darling. Et si vous avez un moment, vous m'écrirez. Vous ne savez pas la douceur d'une lettre pour un exilé. Nous vous écrirons tous les deux. N'est-ce pas, Darling? Oui, Darling. John est un remarquable épistolier. Il écrit comme il parle. Ses lettres sont pleines de bonne humeur. J'en suis sûr. Eh bien, au revoir, mon vieux, et bonne chance. Au revoir. Au revoir, Valérie. J'ai tant de choses à vous dire que je ne sais guère par où commencer. Je ne voudrais pas vous presser, mais le compteur du taxi tourne comme s'il n'avait que ça à faire. C'est vrai, c'est vrai. Eh bien, dans ce cas, au revoir et Dieu vous bénisse, Valérie. Au revoir. Et si vous allez à Gênes, ne manquez pas de me prévenir. Un mot à mon club me trouvera toujours. Promis? Promis. Au revoir. Tu trouves ça drôle, toi? Eh bien, laisse-moi te dire que tu es la seule. C'est trop facile de payer ma tête. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Gênes? Une manœuvre pour détourner tes soupçons. Mais James est un idiot congénital. Tu trouves? Moi, j'ai trouvé assez ingénieux. Pour un garçon aussi dépourvu d'expérience dans ce genre de sport, je trouve qu'il s'en est fort bien tiré. Étant donné que tu es décidé à lui trouver toutes les vertus, je ne m'abaisserai pas à discuter. Pourtant, et je te parle sans passion, cela m'afflige de devoir te jeter à la tête d'un garçon comme lui. Peut-être est-il normal qu'un mari et sa femme n'aient pas la même opinion sur l'amant choisi par cette dernière? Tu n'as tout de même pas me dire qu'il est mieux que moi physiquement? Non, tu as toujours été mon idéal masculin. Et en toute honnêteté, tu vas pas me dire que tu le trouves plus amusant que moi? En toute honnêteté, non. Alors, bon Dieu, pourquoi veux-tu partir avec lui? Tu veux savoir? C'est bien ça. Ton amour, puis ton affection m'ont rendu très heureuse pendant des années. Nous avons été les meilleurs et les plus charmants amis. Seulement, à présent, j'ai envie de quelque chose d'autre. J'ai envie d'être aimée d'amour. C'est drôle, hein? Je t'aimerais, Valérie. J'ai été une brute, c'est entendu. Je t'ai négligée, mais il n'est pas trop tard. Tu es la seule femme pour laquelle j'ai eu de l'amour. Je lâche tout et je file avec toi. L'idée ne me séduit pas, mon chéri. Ne sois pas dur, darling. Après tout, j'ai rompu avec Fanny. Tu peux bien oublier James, non? Non, il y a un détail, mais il a son importance. C'est pour ton bon plaisir, non le mien, que tu as rompu avec Fanny. Oh, ne sois pas méchante. Partons et tu verras, ce sera merveilleux. Mon cher, cher John, je n'ai pas travaillé dur pour me rendre indépendante à seule fin de partir en voyage de noces avec mon mari. Ton mari? Tu ne me crois pas capable d'être aussi un amant? Oh, je doute que quiconque, même moi, puisse tirer les beefsteaks de demain du rôti froid d'hier. Oh, quelle comparaison! Tu sais ce que tu es en train de faire? Je vais te le dire. J'étais décidé à être un mari modèle. Et c'est toi, oui, toi, qui me jette à nouveau dans les bras de Fanny. Et je te donne ma parole que dès ton départ, j'irai frapper à sa porte. Oh, je t'en supplie, n'en fais rien. Je déteste les déplacements inutiles. Or, il est peu probable que tu la trouves. Elle a un nouvel amoureux divin. Quoi? Oui, l'aide de camp d'un gouverneur quelconque. Elle venait aujourd'hui pour me prier de t'annoncer avec ménagement que tout était fini entre vous. J'espère que tu lui as dit à la première que j'avais décidé de rompre des relations qui te portaient ombrage. Oh, mais je n'ai pas eu le temps, figure-toi. Elle était si pressée de me parler de ses nouvelles amours. Je te comprends de moins en moins. Tu n'as pas l'ombre de dignité, Valérie. N'importe quelle épouse aura répondu comme c'est curieux. John vient précisément de me demander de te dire qu'il ne te verrait plus. Mais comme il est évident que je ne suis plus rien pour toi... Oh, comment peux-tu être stupide à ce point, John? Je suis peut-être infidèle, mais ma constance est indiscutable. J'ai même toujours pensé que c'était là une de mes plus attachantes vertus. Qu'est-ce que c'est? Je craignais que madame ait oublié le taxi. Allez, on y va! Très bien, monsieur. Oh, je ne vois pas la nécessité d'être désagréable avec ce pauvre Bentley. Oh, j'espère le taxi. D'ailleurs, je me sauve, sans quoi le pauvre finira par croire que je ne pars plus. Au revoir, mon chéri. J'espère que tout marchera bien ici pendant mon absence. Tu veux pas me dire au revoir? Que le diable t'emporte, Edgar! Viens, mon chéri. Je serai de retour dans 6 semaines. De retour? Où? Ici. Ici? Non, ici? Non. Et tu t'imagines que je vais te reprendre? Mon Dieu, oui. Quand tu auras pris le temps de réfléchir, tu verras que tu n'as aucune raison de me blâmer. Après tout, je ne te prends rien à quoi tu tiennes. Sais-tu que je pourrais facilement obtenir le divorce si je voulais? Sans aucun doute. Mais je suis très prudente de nature. En me mariant, j'ai pris soin d'unir ma vie à celle d'un gentleman. Et je sais fort bien que jamais tu ne demanderas le divorce sous prétexte que je vais faire ce que tu as fait toi-même le premier. Tu as raison, je ne divorcerai pas. Sais-tu pourquoi? Parce que je ne souhaite pas à un autre d'être un jour traité par toi comme tu me pètes en ce moment. Serait-il mon pire ennemi? Bon, alors je reviens. Pour qui me prends-tu? Un clown? Un bouffon? Un pion que l'on dépasse sur l'échiquier selon l'humeur du moment? Non, madame, non. Je vais être cocu, parfait, et à ton aise. Je suis calme, tu vois? Très calme. Depuis 15 ans, je t'aime. Je te donne le meilleur de moi-même. Mais c'est la moindre des choses, voyons. Je ne suis que le mari, après tout. Me plaindre? Et de quoi, je vous prie? Cette femme, ma femme, la mère de mon enfant, a besoin d'un changement. Et c'est tout simple. Elle va filer le parfait amour avec un crétin. Qui? Le meilleur ami de la maison, comme il se doit. Quand elle aura assez ri, elle reviendra, grande et généreuse, reprendre sa place au foyer. Non, non, non et non, tu entends? Ah, tu n'as pas le moindre respect pour les liens sacrés du mariage. Eh bien, j'en ai, moi, entends-tu? Un respect profond. Tu pars, bon voyage. Je demeure, moi, au foyer, et j'élèverai seule ma fille. J'essaierai de lui faire oublier, pauvre petite, que sa mère... Mais pars! Pars, va-t'en! Pars! Pars! Va-t'en! Mais qu'est-ce que tu attends? Pars! Mais... Reviens vite. Vite. Tu veux, mon amour? La radiodiffusion française vous a présenté Humour conjugal, comédie en 3 actes de Somerset Maugham, version française de Hélène Frédéric Lara, avec Louise Comte, sociétaire de la Comédie française, dans le rôle de Valérie Ramsay, et Madeleine Lambert, Mrs. Bennett, Bernadette Lange, Doris Bennett, Madeleine Barbulé, Barbara Simpson, Frédéric Hébrard, Fanny Bird, avec Jean Martinelli, John Ramsay, Renaud Marie, James Anderson, Louis Arbessier, Walter Bird, Pierre Leproux, Bentley. Prise de son, Jean Delanduc. Assistante de production, Olga Lancement. Réalisation, Henri Soubéran.